toutes les chansons que vous aimez et que vous pourrez nous demander sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour tous vos messages que vous nous avez laissés aujourd'hui. C'est toujours bon de vous recevoir sur cette antenne et d'être éclairé par vos messages et vos tweets. On se retrouve demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. À demain. RTL, il est exactement 16h. L'information, c'est avec vous, Olivia Leray. Olivia. Bonjour à tous. Défiler jeudi à Paris n'apparaît pas envisageable. C'est ce que déclare Bernard Cazeneuve dans une lettre au numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Les syndicats opposés à la loi travail maintiennent cet après-midi leur demande de cortège. Jeudi, dans la capitale entre Bastille et Nation, la préfecture de police a déjà dit non. Elle leur propose d'organiser, sur demande du ministre de l'Intérieur, un rassemblement statique pour éviter des violences comme le 14 juin dernier. 6 personnes viennent d'être interpellées en Belgique dans l'enquête sur l'attentat manqué dans le Thalys qui reliait Amsterdam à Paris. C'était il y a presque un an, en août 2015. Le parquet belge précise que ni armes ni explosifs n'ont été découverts. Le référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aura-t-il bien lieu dimanche? Le Conseil d'État doit se prononcer d'une minute à l'autre pour ou contre l'annulation du vote. Attention, si vous êtes du côté de Nantes, il va falloir vous organiser. Pas de tram et peu de bus jusqu'à demain soir. Le personnel de la semi a exercé son droit de retrait après l'agression d'un conducteur de tram samedi soir. L'hommage cet après-midi en Grande-Bretagne, celui du Parlement britannique à la députée Jo Cox, assassinée la semaine dernière. Une messe sera ensuite célébrée à l'église Sainte-Marguerite. Le Premier ministre David Cameron appelle à s'unir contre la haine qui a tué l'un des leurs. La campagne pour le référendum sur le Brexit a repris le vote ce jeudi. Euro de football, ce soir 21h, deux derniers matchs du groupe B à Toulouse, Russie, Pays de Galles, rencontre à haut risque. 1900 policiers et gendarmes sont mobilisés pour empêcher les débordements. À Saint-Etienne, Slovaquie, Angleterre. Quelques conseils et des pronostics avec vous, Thibaut Geoffrotin. Bonsoir. Bonsoir, bonjour Olivia. Bonjour à tous. On joue avec le match Slovaquie-Angleterre à 21h, à vivre en intégralité sur RTL en simultané avec Russie-Pays de Galles. La qualification en jeu, l'Angleterre leader du groupe avec 4 points, favorite avec une cote à 1,86. Le match nul à 3,20, le succès de la Slovaquie à 5,90, cote sujette à évolution. Les Anglais ont été très en difficulté depuis le début de l'Euro. Match nul contre la Russie, puis victoire dans le temps additionnel face au Pays de Galles. Le sélectionneur Roy Hodgson a été critiqué pour n'avoir pas modifié son équipe entre les deux matchs. Alors ce soir, il va tout changer. 6 changements sont attendus dans la composition d'équipe. Vardy, le meilleur buteur de Premier League, sera titulaire à la place de Kane avec Sturridge sur le côté. Wayne Rooney sera ménagé pour cette rencontre et remplacé au milieu par Jordan Henderson. Côté slovaque, Marek Hamšík sera évidemment titulaire. Le milieu de terrain de Naples a marqué un but exceptionnel face à la Russie. Prochain rendez-vous pronostic à 17h, on parlera cette fois du Pays de Galles et de Gareth Bale. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Dans le reste de l'actualité, le procès de Fabienne Cabou s'est ouvert ce matin à la cour d'assises de Saint-Omer. Fabienne Cabou, c'est cette maman venue de région parisienne pour abandonner sa fille Adélaïde, 15 mois, sur une plage du Pas-de-Calais alors que la marée montait. L'enfant est morte noyée. Les jurés de la cour d'assises ont 5 jours pour tenter d'obtenir des réponses. Solar Impulse 2 a quitté New York direction Séville après sa traversée de l'Atlantique. Cela devrait durer 4 jours. C'est l'étape la plus longue du tour du monde de cet avion solaire. Je vous rappelle que le pilote suisse Bertrand Piccard est seul aux commandes. Bernard Glass est à Vichy pour l'arrivée des courses. Avec un rappel, Olivia, de la deuxième course qui était le quintet, le 9 était non partant, le numéro plus 736, c'est la bonne combinaison, le 7, le 18, le 4, le 8 et le 2. Arrivée rapport de la quatrième, là le 7 et le 8 étaient non partants, c'était un pic 5 et c'est le 6 Belsa qui s'impose, 5,20 et 2,50 devant le 14 Big Boss 3 euros et le 15 Belly Charm 4,30, quatrième le 3, cinquième le 13, 6, 14, 15, 3 et 13, le pic 5. Et puis la cinquième épreuve a vu la victoire du 9 Calin de Morges, 4,20 et 1,50. Devant le 4 Cross d'Argent à 80 et le 7 Casting de Chenu à 50. Quatrième place pour le 8. La sixième est en train de se disputer. Arrivée et rapport dans un peu plus d'une heure. Merci beaucoup Bernard. Le temps, aucune chance de voir le soleil cet après-midi dans le nord-ouest. Même chose pour demain. Les pluies continuent. En revanche, dans le sud, le soleil s'impose dans l'après-midi. Risque d'averse quand même en Corse. Les températures de 11 à 19 degrés le matin et de 19 à 31 l'après-midi, 19 à Cherbourg, 22 à Paris, la maximale est pour Nîmes avec 31 degrés. Vous êtes sur RTL, il est 16h04, tout de suite les grosses têtes de Laurent Ruquier. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a un prénom de lessive mais aussi une fonction adoucissante, Ariel Dombal. Une grosse tête qui en attendant les rayons du soleil propose ceux de Carrefour Market, Michel Bernier. Une grosse tête dont on reconnaît la patte grâce à son chat, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qui chante beaucoup plus juste que ses réponses, et heureusement, Christophe Willem. Bonjour. Une grosse tête qu'il ne faut jamais asseoir au bout d'un banc pour éviter l'effet catapulte, Bernard Mabille. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui à lui tout seul a réussi à attirer au Mans Brad Pitt, Jackie Chan, Jason Statham, Keanu Reeves, Patrick Dempsey, et tout ça pour 24 heures en plus, Stevie Boulet. Vous les avez vus alors ? Ah oui, alors j'ai vu tout le monde sauf Brad Pitt. Oh, bah comment ça se fait alors ? Le plus intéressant. Non, mais j'ai vu Jackie Chan, ben oui, j'étais vert. Non, parce que j'ai dû partir avec Monsieur Boulard faire la tournée. Ah, des... ah bah oui. On est parti saluer le Maine Libre, le Ouest France, etc. Parce que j'étais dans la salle de la C où dormait Brad Pitt. Parce que Stevie, il faut le rappeler, est reine du Mans. Hein. Ouais. Il a été Miss Riette en 2012. Et j'ai attendu devant cette porte où derrière il y avait Brad Pitt qui dormait. Il a dormi de bonnes heures. Et voilà, le temps que je parte avec Monsieur Boulard, il est sorti. J'ai raté Brad Pitt. Alors, qui vous avez vu de près? Alors Jackie Chan. Très Jackie gentil. Chan. Ah oui. Adorable. J'adore. Charmant monsieur. On l'a reçu à la mairie. Vous êtes sûr que c'était lui? C'était pas. Ah oui, j'ai les photos. C'est pas Jean-Vincent Placé. Non. Patrick Dempsey, là. Non, Placé, il serait déjà maire du Mans ce matin. Ah non. Alors, Dempsey. Oui, bah lui, on le voit tous les ans, c'est pas la première fois. Oui, on s'en fout. Donc. Oui, on s'en fout, voilà. Keanu Reeves. Ah, j'ai vu de loin, mais pas de près. Ah, merde. Ah. Mais non, mon échec. Quoi, votre échec? Bah, mon échec, c'est d'avoir raté Brad Pitt. Ah, bah oui. Bah, nous aussi, on l'a raté il y a un moment. Il s'en serait jamais remis de ma vie de me voir. Ah, mais t'as raté Steve McQueen aussi. Mais là, il y a un moment déjà. Et Jason Statham, tu l'as vu en vrai? Non, j'ai pas vu lui. Oh, j'adore. Et vous les avez emmenés dans votre boîte de nuit ou pas? Non, ils sont pas venus. Parce que Christophe Willem ne le sait peut-être pas, mais Stevie Boulet a une boîte de nuit au Mans. La loge. C'est un peu le régime du Mans, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Mais non, mais en fait, t'as raté tout le monde. Ça s'appelle. Sa boîte s'appelle chez Verchuren. Reine du Mans. Non, mais c'était un super week-end. Non, mais sans crème, ça aurait été super si vous aviez pu les emmener dans votre discothèque. Ben oui, mais non. Mais en revanche, Brad Pitt, il a vraiment joué avec tout le monde parce que je crois que je suis le seul manceau à pas avoir ma photo avec lui. C'est pas vrai. Il a fait des photos avec tout le monde. Il est vraiment admirable, d'une gentillesse incroyable. Le mec, non, c'est vrai. Pas. Mais non, mais les gens le parlent. Le mec l'a pas vu, il trouve qu'il est. Les gens parlent. Oh là là, j'ai raté Brad Pitt, mes enfants, vous imaginez. Mais pas le moral. Mais maintenant qu'il est barbu, il est quand même descendu dans l'échelle. Non, il était de la rasé. Rasé. Alors ça, c'est bon. Il a jamais été aussi beau. Ah bon, il s'est re-rasé. Il s'est re-rasé. Il s'est rasé deux fois. Mais il y avait Angelina n'était pas là. Et vous leur avez offert un pot de rillettes à chacun? Je sais pas ce qu'a fait Monsieur Pierre Fillon. C'est quoi votre fonction exacte? Moi, je suis ambassadeur du Mans. Donc je suis dans tous les. T'es ambassadeur et tu vois pas Brad Pitt. C'est de ma faute. J'aurais dû rester à la CO et puis là j'aurais vu. Où ça, où ça? À la CO, dans le salon de la CO. C'est quoi la CO? La CO, c'est le Automobile Club de l'Ouest. Ah oui, très bien. Qui gère les 24 heures en fait. Ah oui, oui. Et j'aurais dû rester, voilà, auprès de Monsieur Fillon et j'aurais peut-être. Ah, parce que Monsieur Fillon était là aussi. Le frère. Et le président de la CO. Ah, ils sont deux. Le bon, vous voulez dire. Voilà, vieille Fillon. Mais vous savez qu'en dehors de l'apparition de Stevie, du maire, des selfies, etc., il y a également eu une course automobile au Mans. C'est pas vrai. Si. Avec une Toyota qui a calé dans le dernier tour. À 3 minutes. Ah ouais. À 3 minutes. C'est Porsche à gagner. Ah, vous êtes au courant du résultat quand même. Bah oui. Non, je suis désappointé. Et il y avait du monde dans votre boîte de nuit quand même ou pas? C'était plein, beaucoup d'anglais, beaucoup. C'est pour rentrer les voitures, ça a dû être facile. Beaucoup d'anglais, vous parlez anglais alors dans ces cas-là? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que vous... Alors faites-nous, un anglais frappe... Attendez, Ariel et Christophe sont en sortie au Mans. Ah, on est d'accord? On fait la scène. Vous êtes ensemble, Ariel et Christophe. Bien sûr. Alors, et vous parlez anglais évidemment couramment. Tout le temps. Tout le temps. Et alors vous frappez à la porte de la boîte de Stevie. On frappe à la porte. Et il va vous ouvrir. Hello, guys, TV. Hello, Ariel. How are you? Yes, so here's the nightclub everyone is talking about. It is gay here. Moi, je suis le videur. Je fais le videur. Oui, c'est bien Brad Pitt. You have to pass par the porte de derrière. Ah, en pleurs, vous êtes fous. Moi, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Ah oui, citation de Brad Pitt, ça serait bien. Oh, ce sera très facile, cette citation. C'est pour Sandrine Hartmann, qui habite Solemont, dans le Doubs, qui a dit « La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. Oh. » J'allais dire Marivaux au début, mais pas à l'arrivée. Rocco Siffredi. C'est Brad Pitt, Brad Pitt. Vous voulez que je vous répète la phrase? Oui. « La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. » Baffy, non. San Antonio, non. C'est mort. C'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là. Jean-Yann, non. Cavana, non. C'est mon papa. C'est Monsieur Chaud. Oh. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, il est génial. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien. Je m'appelais Mohamed, j'ai changé de prénom et plein de portes sont ouvertes. 13h-14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Faut vraiment que les politiques arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions. Je paye 4 000 euros d'impôts et je suis fier de les payer. RTL Midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble. Chaque midi des 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parisot sur RTL. À demain. 12h30 sur RTL. Allez, on est reparti avec les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Une question culturelle pour Monsieur Philippe Petit qui habite Grenoble. Vous avez certainement lu dans la presse aujourd'hui l'interview d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri qui vont jouer Les Femmes Savantes, un grand classique de Molière. De Molière, je le sais. Ah oui. Au théâtre, à la rentrée, ce sera au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est avec évidemment le faux savant Trissotin. Hein, c'est le nom du faux savant dans Les Femmes Savantes. Trissotin sera joué par Philippe Duquesne. Il faut savoir que Monsieur Jean-Pierre Bacri, lui, interprétera le rôle de Chrysal, le mari de... Bah, justement, quel rôle va jouer Agnès Jaoui dans Les Femmes Savantes ? Le rôle d'Armande. Armande, c'est la fille Armande. Oui. Raymond. Elle ne joue pas Armande. La fille. Non. Elle joue la mère. Raymonde. Raymonde, non. Célimène, Célimène, c'est dans le. On se croirait dans la boîte de Stevie. Célimène, c'est la danse du tapis. Célimène. Fallait voir Brad Pitt au milieu avec son tapis. Personne. Stevie nous a raconté tout à l'heure qu'il est resté deux heures derrière la porte. Oui. Pour voir Brad Pitt, je savais pas qu'il chiait aussi longuement. Il dormait. Attends, ce que je comprends pas, il dort sur un lit de camp dans le stand. Bah, je sais pas, il avait une pièce à lui, oui. Il lui a mis un clic. Tu parles, il niquait, oui. Ah non, je pense pas. Hein. Non, il était jet lagué. Hein. Oh bah dis. Il vient du sud. C'est normal, il vient du sud de la France. Oui. Elle était dans le sud avant. Il vit chez nous, je vous signale, Brad Pitt. Ah bon. Mais ça va Aix-en-Provence. Bah oui, il vit en France. Ah bon. Alors son jet. Lag, mais c'est vrai qu'il avait revendu tout ça. Mais non. Bah, c'est la crise. Hein. Brave beat. Vous êtes à nouveau éloigné, mon cher Bernard, des femmes savantes. Oui, ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs. J'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie, vous savez. Mais là, c'est un nom qui est un peu... C'est un nom désuet. C'est bien en tout cas d'avoir dit Armande, chère Ariel. Mais oui, parce que je peux réciter du femme savante. On s'en fout. Hein. Ah ben non, quand même, regardez. Non, mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage de vous claquemurer. aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. Ça, c'est la mère qui dit ça, je crois. C'est bien. La mère. Et mais comment, elle s'appelle la mère? Et ben justement, je sais ben plus. Voilà. Ah, mais attends, d'habitude, elle chante, maintenant elle parle. Oh, Périmé. Mais alors, comment vous dites? Périmé. C'est autre chose. Non, c'est pas mais ça. Mais c'est quoi périmé? Si c'est périné ou périmé, dans les deux cas, non, c'est périmé. Pas porteur. Périmé. Clotaire. Non. Vanina. Est-ce qu'elle a un prénom genre Germaine, Lucienne, un genre comme non, ça? Non, évidemment, c'est un nom à la Molière. Ah, oui. Rodogune. Ah bah ça nous aide. Alors voyez. Ah, Gersande. Non, le père, c'est Chrysal. Hein. Les filles, vous avez la fille aînée, c'est Armande, qui est courtisée par Clitandre. Et puis vous avez aussi Henriette, qui est la fille cadette. Et voilà. Clitandre est devenu le soupirant d'Henriette. Mais la mère, elle s'appelle. Elle est du Mans, Henriette. C'est une copine de Stevie. Henriette Dumont, non, écoutez, franchement. Vagitane. Vagitale. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais non, mais clito, machin, vagina, enfin, je sais pas. Il y en a une qui s'appelle clitoria. Clitoridienne. Non, mais la mère, c'est elle la plus importante. Mais dans oui, la mais c'est oui. C'est elle qui découvre oui. Trissotin. Ségolène. Ségolène, non. C'est un prénom à la con comme ça, non? Non. Ça se termine par S. Mazarine. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. Et l'autre répond, mais tu vas la faire, ta gueule. Ah, dis donc, tu lui mets 1 euro dans la fente et ça passe. Oh Bernard. Oh là là. Oh Bernard. Insupportable. Oh Bernard. Oh, Bernard. C'est Ariel Burgisset. Vous ne touchez pas à Ariel. Je la casserai. Vous devrez passer sur. Je la casserai, tu m'imagines. Il faudra que tu passes sur le corps de Laurent d'abord. Tu m'imagines sur Ariel, elle est toute bleue si je me mets sur Ariel. Non mais Ariel, c'est bien, vous savez les femmes savantes, mais vous ne connaissez pas le nom de la mère. Mais oui, mais c'est secondaire. Alors c'est qui demande d'apporter les commodités de la conversation? C'est Agnès Jaoui qui va jouer ce rôle. Eh ben Agnès. Non. Mais c'est un prénom qui est attribué encore aujourd'hui à des jeunes filles. Non, ça c'est vrai, si vous appelez votre fille comme ça aujourd'hui, vous allez avoir l'air vraiment alors d'un trissotin. Avant qu'il appelle sa fille. Ah, elle est mauvaise. Même Pamela sera démodée. Hein. Laurent, vous pouvez nous dire par quelle lettre ça commence? Oui. Ah non, ce serait trop facile, ça. Par un P. Allez, par un P. Par un P. Et il vous reste 30 secondes pour aller plus loin que ce P. Philomène. Philomène, non, mais on se rapproche. C'est PH. Philinte, non. Fil de fer. Non. Philoménia. Philophile. Oui, ben, allez-y vous-même. Filonné. C'est pas filiforme. Phileas. Philiane. Eh bien, c'est 300 euros pour, déjà, quand même, pour notre premier auditeur, Philippe Petit, qui habite Grenoble. 300 euros. Il s'agissait de Philaminte. Ah, mais oui. Ah, bah oui, Philaminte. Philaminte. Enfin, voyons, Ariel. On l'a pas dit, ça, Philaminte? Ah non, on l'a pas dit, Philaminte. Ah ouais. Mariez-vous ma sœur à la fille? Ah, bah non, bah non, non. Mais qu'est-ce que c'est? Ne prononcez plus le mot femme savante, ni Molière, ni le nom d'aucun personnage. Vous n'avez pas des héros de films muets? Charlot, Buster Keaton. W.C. Field. Non, mais j'ai Coluche à vous proposer, si vous voulez. On a beaucoup parlé de Coluche ce week-end. Et ce sera une question pour Aurélien Grolier, qui habite Chemélier. C'est dans le Maine-et-Loire. Et il se trouve que Coluche a joué au cinéma avec Beppe Grillo. Vous connaissez Beppe Grillo? Bien sûr. Beppe Grillo, c'est ce fantaisiste et homme politique italien qui fait un tabac dans le Nord et qui a d'ailleurs été élu aux élections communales. Dont la nana a été élue, oui. C'est pas sa nana. Non, bah, mais une de ses... 30 ans après la mort de Coluche, c'est formidable quand même. Exactement. Hein? Beppe Grillo voit une de ses représentantes de son parti devenir maire de Rome, puisque cette femme maire de Rome appartient au parti de Beppe Grillo, qui était lui-même un humoriste qui s'est lancé dans la politique en Italie. Mais il se trouve que Coluche et Beppe Grillo ont joué dans le même film. Lequel? Dans un film de Dino Risi, non? Oui, c'est pas exact. Dino Risi qui s'appelait... C'est un de ses derniers films. Et c'est son dernier, même. C'est pas film. La guerre, là? C'est pas Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Non, ça c'est son premier. Coluche, ouais. C'est pas où il est dans... Ça s'appelle le quelque chose. La folie des grandeurs ? Non. Mais moi, c'est pour ça que j'évite de dire des conneries. Fais comme moi, tu fonces dans le tas. Si c'est ça, venez pas. Hein. Faut foncer dans le tas. C'est pas c'est le lieutenant. C'est le Scapone ou un nom comme ça. Dino Risi. C'est italien. Deux ans moins le quart avant Jésus-Christ. J'accepterai évidemment le nom en français ou le nom en italien. Ah bon. Quand même, c'est assez facile ça. On n'est pas dans Molière là. En tout cas, il est mort à Opio. Mais c'est fou. D'un accident de moto, je crois. C'est bien, Ariel. Non, mais Ariel avait préparé des questions. Elle disait, tiens, on sait jamais. Le fou de guerre. Le fou de guerre. Bonne réponse de Michel Bernier. Vous cherchez des solutions épargne pour la transmission de votre patrimoine à la retraite? Bénéficiez de toute l'expertise d'AXA en assurance vie pour transmettre à vos proches. Même si vos priorités changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien accompagné avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur axa.fr. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Bon. Prenons une élève. Petit 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petit 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allez, sortez les agendas. Deux enregistrements des grosses têtes de Laurent Ruquier sont prévus demain à 10h et le second à 18h au grand studio de RTL 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nicolas habite Séris, en Seine-et-Marne. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour grosses têtes et bonjour au public. Le public vous salue, vous encourage même. Vous avez 34 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nicolas ? Je suis employé de banque. Employé de banque, j'ai l'impression que vous êtes dans la banque là parce que vous parlez tout bas, non ? Ou dans le coffre ? Ah non, non, je suis chez moi. Ah, vous êtes chez vous, travaillez pas aujourd'hui ? Non, je travaille jamais le lundi. Bah oui, les banques sont fermées. Bah oui, pire rarement le mardi. Oui. Mardi après-midi. En même temps, ça nous arrange. Quelle banque c'est, on peut le dire ? BNP Paribas. Ah oui, carrément. Ah oui, alors, vous avez arrêté Roland Garros. Nicolas, vous écoutez les grosses têtes depuis un moment, j'imagine. Depuis votre arrivée. Oh bah c'est gentil, Nicolas. Déjà un point de plus. Et vous allez affronter mes camarades dans une question qui va vous emmener. Oh là là, c'est assez chouette. Une semaine à deux à Valoir-Galibier en Savoie. C'est une station village de charme au pied du mythique col. Vous connaissez Bernard le col du Galibier. C'est un beau cadeau. Le col du fémur. Combien ça doit valoir? Une semaine à deux à Valoir-Galibier en Savoie, station village de charme. 17 hameaux autour de Valoir-Galibier. Une authenticité, mais alors, et un charme. Oh, tellement total, authentique. Mais est-ce que les hameaux sont en pleine neige? Oui. Oui, l'été, bah, l'été, oui. L'hiver, il y a du soleil, mais l'été... Ah oui, mais alors nous, vous partez entre le 5 et le 10 juillet. Ah oui. Ah bon. Oui, n'emportez pas vos skis, c'est pas inutile. Ça ira, Nicolas, cette date-là? On verra. Non, c'est pas ça. C'est que si vous partez entre le 5 et le 10 juillet, vous pourrez assister au concours de sculpture sur paille et foin. Ah. ça nous manquait. Non. Un événement artistique unique en France. Des sculpteurs qui viennent du monde entier. Ah bah, il faut ça au moins. Ils sont deux. Ils font la même chose avec les blocs de glace l'hiver. Voilà. Et l'été, évidemment, ils le font avec des pailles et du foin. Voilà. Mais on peut aussi, si on n'a pas envie de créer des figurines, se rouler sur la paille tout court. Ou la fumer. Elle est folle, celle-là. Tu sais que ça pique. Hein. Et ça gratte. Ah, ça gratte. Hein. Ça gratte énormément. Vous aimez faire l'amour dans le foin, Ariel? Non, mais c'est quand même un classique. Je t'imagine avec une botte de foin dans le string. Ça doit piquer. Bah, épilez-vous, et puis voilà. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'y aller à ce moment-là. Mais si vous y allez à ce moment-là, ça va être chouette. Si vous n'avez pas envie d'y aller, il suffit de ne pas répondre à la question. Hein. Mais non, mais il faut y aller en dehors du 5 et du 10 juillet. Oui. Mais à cette période de l'année, il y a des sculpteurs qui viennent du monde entier pour sculpter sur paille et sur foin. Ah, oui. Allez voir sur valoir.net. Vous en saurez plus. Mais sur paille et sur foin. Ah oui, mais c'est quoi la différence? Oui, c'est ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Le foin est plus léger. Le foin, tu éternues. Et la paille, tu t'en sers. La paille, c'est pour dormir. Le foin, c'est pour manger. Je peux vous montrer de regarder les sculptures. Non, mais c'est vrai, jamais sur la paille. C'est ça. Ah, oui. La paille, c'est le résidu d'une moisson dont on garde les céréales. Et le foin, c'est de l'herbe qui a grandi. Alors, malheureusement, nos auditeurs ne peuvent pas voir les sculptures. Ah, oui. Mais en plus, elles sont monumentales. Ah, c'est oui. des gros trucs. Hein. Ah oui. Ah oui. On ne sait pas ce que ça représente, mais ça a l'air bien. Franchement, c'est beau. Hein. Ouais. Ah non, c'est beau. Ah, voyez, vous vous moquez toujours. Honnêtement, on avait rigolé. Mais ça ressemble un peu à l'île de Pâques. Oui, exactement. Voilà. Sauf que c'est en foin. Voyez. Et c'est en juillet surtout. Et en c'est juillet et en Pâques. Oh et merde. Nicolas, vous êtes prêt? Voici la question. Ah, ok. Elle est politique la question, puisqu'on nous annonce que quelqu'un qui fut candidat en 1988 et qui obtint à cette époque-là pour la candidature à la présidentielle, pour l'Élysée, 3,78% des voix, est à nouveau candidat pour l'Élysée en 2017. De qui s'agit-il ? Michel Alliomari ? Non, pas Michel Alliomari, elle n'a encore jamais été candidate à l'Élysée. Ah. Quelqu'un qui fut candidat en 1988 avec 3,78% des voix. Monsieur Barbu ou un mec comme non. Fabius ? Fabius, il n'a jamais été candidat. C'était Fabius. Un écolo, non ? Un écolo, oui. C'est un qui a fait de la télévision ? Non, il n'a pas fait de télévision. Non. Et lui, il a vraiment été candidat, il a fait 3,78%. Il est toujours écolo. Ah, il est toujours écolo. C'est Hulot, Nicolas Hulot? Non, il n'a jamais été candidat, Nicolas Hulot. C'est pas Noël Mamet. Non, c'est pas Noël Mamet. Monsieur Poutou, Monsieur Cobendit. Non. Attends, faut peut-être laisser répondre Nicolas. Nicolas. Je cherche, c'est dans quelques secondes. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Un Alsacien, Nicolas. Oh, je sais. Vechter. Antoine Vechter. Antoine Vechter, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah, on avait le droit de répondre. Je suis désolé. Mais... Vous l'auriez trouvé, Nicolas ? Sans Google, non. Mais c'était Antoine Vechter. Le retour de Vechter. C'est le seul écolo qui a une moumoute en plastique. Ouais. Il n'est pas très écolo. Hein. Il est pour le déboisement. C'est lui qui va donner le coup d'envoi au truc de la paille. À mais alors quoi, il va être écolo. Mais il a vraiment une moumoute en plastique ? Non. Elles sont en plastique. Il est membre du mouvement écologiste indépendant, le MEI, moumoute et implant. C'est fou parce qu'on se rappelle de lui que pour ça. Mais c'est vrai qu'on l'a connu tif et tondu. Mais oui, c'est ça qui est assez rigolo alors. Donc un plan en plastique, vous pensez, Pierre? Mais Vechter. Bernard. Oh, Germaine, vous mais me gonflez, Germaine. Mais ça, c'est du Molière, non? On va régler ça à la maison ce soir. Hein. Pourquoi vous souvenez d'aucun prénom, Ariel? Non, si, mais là, ma langue a fourché. Mais Bernard, tu devrais savoir, Bernard. Mais non, mais enfin, vous ne lui ressemblez pas beaucoup quand même, hein. Et vous l'avez appelé intellectuellement, si. Pierre. Non, mais Pierre. Parce que ma grand-mère a connu un. Ah, c'est gentil. Non, ma grand-mère a connu un Pierre Mabille. Ah, qui était mon jumeau. Grand surréaliste. Vous êtes toujours là, Nicolas ? Oui, toujours. Bah, vous n'irez pas voir les sculptures sur foin et sur paille. et dommage. Et s'il en reste un peu de paille, et ben on en enverra à Antoine Vechter pour la prochaine présidentielle. Ça pourra lui servir. Ça va être un feu de paille. C'est joli. Pourquoi il se représente ? Quel est le but ? Ah bah écoutez, j'en sais rien. Son but, c'est de dire... attention, si Nicolas Hulot y va, il se retire, dit-il. Pour son père, quand il se retire. Mais quel âge il a ? Antoine Vechter ? Oh là, 80. Oh. Et il est né en 49, alors faites le calcul. Ah non, il est jeune. Il a toujours fait vieux, Vechter. Oui. Ouais. Presque 60. Mais Nicolo va y aller. Il a presque combien ? Nicolo. Nicolo Hulot, est-ce qu'il y va ? Il y va, Nicolo Hulot. Rappelle ça. Nicolas Hulot. Oh, t'imagines la descente des Champs-Élysées en delta plane avec les motards. On va se fendre la gueule, il va aller s'écraser sur l'Arc de Triomphe. Et puis tous les discours. Française. Oh bah écoutez, il est mieux que Vechter quand même, franchement. Ah oui. Bah, il est quand même plus joli au niveau de la couette. Il a ses chances, hein, faut se méfier hein, de Nicolas Hulot. Vous l'avez perdu en tout cas, Nicolas Stalpart, c'est votre nom. On va vous envoyer une petite montre RTL. Hein, c'est déjà ça. Oh, je vous sens tout triste et tout ému. Ben un peu, oui. Ben oui, je comprends. Ah, oui. Et peut-être alors un petit jeu de société des grosses têtes, si vous voulez, aussi pour jouer cet été. Super, c'est gentil. Pour jouer à la banque. Ben oui, voilà, avec vos collègues. Et même, allez, puisque vous êtes sympa, le cahier de vacances des grosses têtes. Voilà, comme ça, vous ne serez... Je l'offrirai. Ah ben voilà. Vous ne serez pas sur la paille. Bravo, Germaine. Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. Le Schmilblick se gonfle. Retrouvez les trois indices précédents et répondez vite sur leschmilblick.fr. 2 euros la partie, conditions et remboursement sur leschmilblick.fr. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Popcorn.fr. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur promo pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix Internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. L'Euro 2016, c'est aussi sur TMC. Dernier match de poule de l'équipe d'Angleterre. Emmené par Wayne Rooney, les Anglais affrontent la Slovaquie. Slovaquie-Angleterre, ce soir à 20h50 en direct sur TMC. Et jusqu'à 18h, on est avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Michel Bernier, il y a Christophe Willem, Stevie, Philippe Gueluc, Bernard Mabille et Ariel Dombal. Une question maintenant pour Mélanie Ronce, qui habite Bercé. Bercé, c'est dans le Nord. Je vais vous parler d'une famille, une famille de 6 enfants. Et je vais vous donner le prénom seulement de 4 enfants. Mmh. À vous de retrouver les prénoms des 2 autres. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est très bien. Oui. Je peux me lancer, vous avez compris, Stevie? Allez. Vous pouvez résumer? Eh ben, vous allez donner 6 prénoms. On dit pas « eh ben » d'abord. Hein. Attendez. Vous allez retrouver, vous allez nous donner 4 prénoms. Déjà, il a pas il en manque 2, il faut retrouver les 2 manquants. Voilà. Et le nom de famille en numéro complémentaire. Ah non, les noms de famille, je vous le donne pas, ce serait trop facile, évidemment. Il est très connu, le nom de famille. Ah oui, évidemment. Alors, je vous demande donc, il en manque 2 prénoms. Il y a 6 enfants en tout. Oui, alors. Vous avez Anna Cornelia. Comment? Qu'est-ce que c'est? Anna Cornelia. Ça, c'est, Anna c'est Cornelia. Une première. D'accord. Vous avez Elisabetta Huberta. Oh là là. Tout en A. Hein. Vous avez Wilhelmina, ça doit être une sœur à vous. Christophe. Wilhelmina Jacoba. Oh là là. Et Cornelis Vincent. Oh non. 4 enfants en tout. Il en manque 2 puisqu'il y avait 6 enfants dans cette famille. Avec des prénoms à la con, pareil. Non, on est bien lancé là. Non. Et croyez-moi, les 2 autres, vous les connaissez. C'est une famille française? Ah non, c'est pas une famille française. Allemande? Ah. Allemande. Allemande, non, on peut pas dire. Américaine? Autrichienne? Autrichienne. Hollandaise? Hollandaise, oui. Oui. Alors, il y a François, il y a François. Après, il y a Dave? Non. Oui, François et Dave. Alors, il y a Béatrix. Ah, mais ce ne sont pas les ABBA? Ah, le groupe ABBA. Ouais. Il serait 6 dans le groupe ABBA. Ils sont 4. Bah, il manque Tripp et Rognon. Ils sont 4. Non, c'est la famille royale des Pays-Bas, non? Non. Ce sont les femmes des joueurs de l'équipe de foot. Des Pays-Bas? Des Pays-Bas. Pas du tout. Des Pays-Bas? Est-ce que c'est une famille encore en vie? Ah non. Ah, ah. Ce sont des contes, les contes de quelqu'un. Oui. Et je regarde parmi les enfants, là, y a, c'est Wilhelmina qui est décédée le plus... Ah, mais c'est pas dans les petits poussets, là, et tout ça? Non. Ah non, c'est pas les mangeurs de patates de Van Gogh? Non. C'est la famille de Van Gogh. C'est la famille Van Gogh, les frères et sœurs... Ah, Vincent, donc. De Vincent, donc. Et Vincent, Hugo. Mais non, pas Hugo. Théo. Oh là. Vous retenez vraiment aucun prénom, Ariel. Hein. Pas Hugo, Théo. Ce sont les frères et sœurs de Vincent et Théo Van Gogh. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est facile. C'est facile à retenir. Théo Gog. Mais comment s'appelle le village où ils sont enterrés? C'est pas loin de Paris. C'est Auvers-sur-Oise. Ouais, voilà. Dans l'Oise. Mais c'est vrai que moi, je savais pas. Je connaissais évidemment les noms des deux frères, Vincent et Théo Van Gogh. Oui, bien sûr. Je ne savais pas. J'ignorais qu'il y avait une si grande famille, oui. Autant de frères et sœurs. Mais donc, c'est pas leur prénom entier, alors? Comment ça, c'est pas leur prénom entier? Bah, si. Pourquoi eux, ils ont des prénoms corrects et les autres, c'est la loose? Non mais franchement. Mais c'est vrai, il aurait pu s'appeler Vincent Frédéric Guillaume, oui. Par exemple. C'est bizarre. C'est vrai que le premier s'appelait Vincent. Il faut dire que il avait eu un autre frère, un enfant mort-né avant. Ah oui, Vincent Willem, qui lui était Et qui a été chanteur. Chanteur. On a bien connu le frère. Vincent Willem est mort-né et, voilà. Et c'est là que évidemment les parents ont dit on va quand même garder le prénom pour le deuxième, Vincent Van Gogh. Ensuite il y a eu ça porte bonheur. Anna Cornelia, ensuite il y a eu Théodore, ensuite il y a eu Elisabetta Huberta, Wilhelmina Jacoba. Et Cornelis, Vincent et voilà Théodore, c'est Théo évidemment. Voilà, Théo et Vincent sont enterrés à Auvers. C'est une tombe très émouvante parce qu'il n'y a pas de nom et c'est que du lierre. C'est vrai? Oui, c'est que du lierre. Et tout ça parce qu'on a retrouvé un cahier de dessins de Van Gogh. Oui, un objet dont on ne soupçonnait pas l'existence et qu'on a retrouvé avec des notes et des croquis absolument étonnants. Bon après Wächter Van Gogh, on va sortir des toilettes. Vous n'avez pas une question sur WC Field? J'ai une question très facile. Celle-ci, normalement, là, vraiment, même Christophe Willem devrait pouvoir répondre. C'est comment allez-vous? C'est dur, Christophe, de passer pour un con. Hein. Vous laissez pas faire, Christophe. Mais non, mais ça me va bien. C'est vrai? Oui. De temps en temps, je fais venir un footballeur. De temps en temps, je fais venir un chanteur. Un jour, je vais faire venir les deux en même temps. Oh là. Comme ça nous rassure. Une question pour Tristan Seurat. Tiens, voilà encore un nom de peintre, évidemment. Oui. Et monsieur Seurat habite en Bonnet, c'est dans la Marne. Et évidemment, vous savez que demain, c'est la fête de la musique. Fête de la musique à l'occasion du solstice d'été. Il y a deux solstices, évidemment, et dans l'année. Le solstice dans les préfleurs. Ah non, c'est pas ça. Ah non, vous avez les solstices de Strasbourg aussi, mais qui n'ont rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Ariel? Non, j'essayais de penser aux dates du solstice. N'essaye pas. C'est pas la question. Ne fatigue pas, c'est sur Internet. Non mais là, la question est très très facile. C'est le 21. En plus, nous sommes le 20 et il a dit c'est demain. Donc tu vois, j'en ai déduit que c'était le 21. Oui, mais l'hiver. Le 21 décembre. Non. Ou le 20. Ah. Ouais, ouais. D'août. C'est dans la nuit. Le 21 décembre, il a raison, Philippe Gueluc. Ah bon. Voilà. C'est le 21 juin et le 21 décembre, solstice d'été, solstice d'hiver. Mais quel est l'inverse du solstice? Ah, c'est pas la mi-temps. Mais qu'est-ce que c'est? Il est dans l'euro à fond. Mais qu'est-ce que Laurent, qu'est-ce que vous appelez l'inverse du solstice? Bah oui. L'inverse d'un solstice, c'est l'autre, puisque il a raison. Et il y a une histoire de marée là-dedans. Oh non, il y a pas une histoire. Si, de marée. Un effet sur la marée. Attends. Solstice d'été, c'est les jours les plus longs et d'hiver les plus courts. Voilà. Ah non, déjà, attends, je prends l'info déjà. Oui. Donc l'inverse de ça. Vous parlez de mars et de l'inverse du solstice. Solstice d'été, vous allez me dire, c'est le solstice d'hiver. Oui. Mais prenez les deux solstices. Quel est l'opposé du solstice? Le solstice d'automne. C'est l'armistice. Le printemps. L'inceste. Le printemps. Mais non, enfin, écoutez, je croyais que c'était facile. Mais Laurent, c'est le printemps. C'est le printemps et l'automne. Mais non. Mais non, c'est le moment où le jour est aussi long que la nuit. Ah, bravo. Et donc, ça s'appelle? Ça s'appelle l'aurore boréale. Non. Non, la mi-temps. Mais non. Mais non. L'équinoxe. Bonne réponse de Christophe Villers. Attends. Il y a une étincelle. Il y a un jour où le hasard fait bien les choses. L'équinoxe, évidemment. Oui, évidemment. L'équinoxe est l'instant de l'année où le soleil traverse le plan équatorial terrestre. Ce jour-là, le soleil passe exactement au zénith sur l'équateur terrestre. Ah ben c'est pour ça, zénith, tu t'en es rappelé de quelque chose. Et c'est à quelle date? Et les équinoxes se caractérisent par une durée égale entre le jour et la nuit. C'est l'opposé du solstice. Bon, maintenant, Christophe, note-le. C'est à quelle date, Laurent ? Alors, écoutez, deux équinoxes à peu près par année. Le premier entre le 19 et le 20. Je sais pas pourquoi je dis à peu près. Deux équinoxes par année. Je dis à peu près parce que j'en suis pas sûr. Mais le premier entre le 19 et le 21 mars. Mars, voilà. Donc le printemps, comme je vous avais et dit. Et le second entre le 22 et le 23 septembre. Donc l'automne, comme voilà. Je vous l'avais dit. J'en reviens pas que j'ai trouvé ça, dis donc. Ah bah, équinoxe, c'est pour ça. Note-le bien. Oui, note-le bien parce que tu Notez-le vous aussi. Ça note-le parce que tu vas l'oublier. Oui, Ariel, vous auriez pu trouver l'équinoxe. C'est vrai, même. C'est vrai. Mais Stevie avait raison. Il y a des mouvements de marée à l'équinoxe. Ah oui, oui. Il y a des marées tous les jours, hein. Comment oui, non, mais plus. Oui, Donc ça tu fêtes au Mans. Oh là là. Il y a des mouvements de marée dans sa mâchoire aussi, hein. En tout cas, demain, c'est la fête de la musique. Et j'espère que vous allez évidemment sortir votre instrument. Oh oui. Oh oui, bien sûr. Ça va être le parapluie. Bernard. Oh oui, ça va être flûte pour toute la rue. Et Christophe et Ariel, j'aimerais évidemment que nous inaugurions aujourd'hui ensemble la fête de la musique. Qu'est-ce que vous allez chanter pour la fête de la musique, Ariel ? Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Na na na day, na na na day, na na na day, na na na day. Without you, where trouble melts like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you'll find me. Je sais pas la alors suite. Alors maintenant c'est... Attendez, déjà j'ai trouvé une réponse. Point trop d'enfant, tu vois. Ah mais c'est bien pour un truc actuel, c'est bien Judy Garland décédée il y a 64 ans. Ah ouais, mais c'est une égérie gay. Mais bien sûr. Exactement. C'était beau, j'aime une égérie gay, et puis c'est Over the Rainbow, et donc on va sortir de la pluie. Le magicien d'Oz. Voilà. Oh, hello, le soleil brille, brille, brille. Ah oui, ça c'est récent aussi. Allez, vous pourriez au moins chanter du Jennifer, vous voyez. Oh soleil, oui, je suis moderne moi. Oh soleil. C'est Jennifer ça? Oui. Mayday, mayday. Le génie n'a pas fait grand chose. Ben, elle est super cette chanson. Oh soleil. Moi j'aime bien. Vous la connaissez? Si m'exposer un peu plus au soleil. Et ben voilà. Oh soleil. Moi je fais le refrain. Allez-y. Et vous chantez bien, patron. Mais tu oh soleil. Non mais moi après truc non, je ne sais jamais. Tu m'as jamais de parole. Alors je t'explique. T'es Michel Legrand. Non mais même sur ma propre tournée, je suis obligé d'avoir les textes parce que j'oublie mes propres paroles. Donc j'ai un vrai souci. T'as un problème moteur. T'as le public. S'il y avait qu'un problème moteur. En fait vous chantez en yaourt. Tout à fait. Mais à la Nouvelle Star régulièrement je chante en yaourt. Cinglé. Mais le public, non, mais c'est vrai, non, mais le public mais chante. Mais tu chantes en yaourt, ça veut dire que tu disais Mamie Nova. Non, mais je. Non, mais je dirais, je retiens très mal les paroles, c'est pas une blague. Oh Mamie, oh Mamie, Mamie Nova, Mamie Nova. Oh Mamie. Ça, oh Mamie. Oh, vous avez une voix de bluesman, Laurent. Oh, mamie, mamie. Oui, c'est vrai. Mamie Nova. C'est vrai qu'on dirait Nicoletta, hein. Alors ça, on a fait tout ça pour la fête de la musique. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est quand la fête de la baise. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Là, ça peut être drôle de vivre avec vous. Alors, non, ça va pas être drôle. Mais en même temps, j'ai pas envie de vivre avec vous, c'est clair. C'est vrai, ça tombe bien. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h sur RTL. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec TF1 et RTL. Comment ça, vous n'êtes pas encore inscrit à la question qui vous fait gagner 300 euros? 300 euros en ne faisant absolument rien. En revanche, petit conseil, allumez des cierges pour que les grosses têtes ne trouvent pas la bonne réponse à la question posée par Laurent en votre nom. Mais sinon, à part ça, les 300 euros peuvent arriver directement dans votre portefeuille. Si vous voulez participer à ce jeu, depuis chez vous, RTL.fr. Je prépare d'ores et déjà le chèque de 300 euros pour Virginie Misseguers qui habite Gonpont-Fouvre. Pont-Ouvre, peut-être. Gonpont-Ouvre. En tout cas, elle nous dit bonjour à tous, monsieur Ruquier et ses acolytes, depuis des années, je vous suis toujours avec autant de plaisir. J'ai eu même le bonheur d'assister à l'émission où était présent le beau Pedro, nous dit Virginie. Ouais. Et je souhaite tenter ma chance pour la question à 300 euros, on ne sait jamais. Eh bien, Virginie, si vous nous écoutez, je vous le dis, vous avez votre chance, car la question est une question football. Oh là là. Et vu les grosses têtes que j'ai sous la main aujourd'hui, on est spécialiste, on le sait. Je demande au public de ne pas souffler, d'autant plus que si quelqu'un dans le public connaît la réponse, je lui demanderai de venir au micro et il emportera une montre RTL. Donc gardez pour vous les bonnes réponses. Essayez près les gars. Laurent Ocazou, 0-0. Si vous nous demandiez le score c'est d'hier soir... C'est plus compliqué que ça, puisque c'est une page entière dans le journal Le Monde qui a été consacrée à ce joueur tchèque, prénommé Antonin, ou Antonine, si vous préférez. Antonin, on va dire, hein, puisque c'est un monsieur, évidemment, il est footballeur. Aujourd'hui, il a 67 ans, donc évidemment, il joue un peu moins. Il court moins vite. Il est directeur d'un club, aujourd'hui le président du Bohemians. Mais ça a été un grand joueur tchèque. La preuve, c'est que c'est un des rares joueurs à avoir laissé son nom un geste footballistique. Bras d'honneur. Antonin bras d'honneur. Non, c'est pas Antonin bras d'honneur. Comme papin une papinade. Exactement. Sauf que là, c'est un néologisme tiré de papin papinade. Là, c'est vraiment son nom, qui a été laissé à un geste. C'est comme un triple lutz ou Antonin un double axel. Antonin Penalty, par exemple. Il s'appellerait Antonin Penalty. Exact. Ce serait Un corner. Oui, corner. Et ça tombe bien parce que ça a rapport avec le penalty. Ah, bah coup franc, coup franc. Non. Antonin corner. Antonin filet. Bouf. Non. Antonin mais il y a bien un filet, ça se dit quand même au foot. Oui, d'accord. Ah, je me protège les burnes. Mais non. Oh là là, je le fais mon chèque, j'en étais sûr. Attends. Et vous réentendez régulièrement ce nom, évidemment. C'est un mauvais geste ou un joli geste? Certains considèrent ça comme un geste offensant, mais c'est un geste technique. Antonin dans la lucarne. Non. Mais, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Alors, Antonin cadré. Non. Antonin coup de tête. Non. Antonin coup de tête. Antonin petit pont. Petit pont. Petit pont. Non. Ah, est-ce que c'est pas le moment où on fait le truc en se retournant? Une roulette, vous voulez dire? Oui. Non. Dribble. Non. Antonin. Non. S'agit-il d'un nom typiquement tchèque? Oui, c'est ça. Oui. Ça a une consonance. L'ont-ils fait hier? Alors, hier, ils n'en ont pas eu l'occasion. Donc, c'est pas but. Alors, c'est vrai, ça correspond souvent à un but. Un goal? Non. Non. Antonin Slupček. Non. C'est pendant les pénalties. Alors, c'est pendant les pénalties. Tout à fait, Christophe Willem, on précise les choses, c'est bien. Tu vas en avoir une deuxième, je sens. Attends, ça. Je sens ça. Et ça concerne quelque chose pas de bol, c'est pas Antonin Equinox, mais autrement. Antonin. Et ça concerne quelque chose de réussi, on est d'accord. C'est plutôt. Ah non, parce qu'on peut la rater. Passe. Un tir au but. D'ailleurs, on dit une, hein. Une passe. Dire. Ah, c'est quand il tire au pénalty, puis c'est quelqu'un d'autre qui part à sa place. Non. On pense que c'est lui, mais c'est l'autre. Non, ça, c'est pas le droit. On n'a pas le droit au pénalty. Il y a un joueur désigné. Il n'y en a pas un autre qui tire à sa place. Une. Antonin, bien au fond. Non. Ah, ça, j'aurais répondu, si c'était ça. Ça m'aurait pas échappé, hein. Non, écoutez, on entend ça régulièrement. Mais ils le disent, les commentateurs sportifs. Mais oui, ils disent, oh là là, tiens, il a tenté une. Il y a un monsieur qui le sait. On va attendre la fin du gong. Roulette. Il y a deux. Levez la main ceux qui le savent. Regardez, il y a même une. Regardez la honte. Il y a 10 personnes qui le savent. Une roulade. Même la demoiselle au premier rang, elle le sait. Non. Bravo, mademoiselle. C'est vous qui allez venir au micro. Elle est belle. Levrette. Enfin. un Zatopek. Non. Un Zulavski. Ah non, mais j'ai honte, hein, vraiment. Une feinte. C'est une forme de feinte, évidemment. C'est. Ah, mais je sais. Allez-y. Ah bah. Un but. Antonin but. Non. En fait, Laurent sait faire semblant de viser d'un côté et d'aller de l'autre pour que le type se lance dans le vide et taper quand il est de l'autre côté. C'est ça. Alors non. Pas tout à fait. Non, surprise. Justement pas. Surprise. Ah, c'est un peu une surprise pour le gardien, évidemment. C'est très risqué, d'ailleurs. Un coup bas. Zidane, il l'avait pas fait. Exact. Zidane. Ah, je sais, c'est quand la balle, elle tape en haut sur la barre traversale et qu'elle retombe. Ça, c'est quand tu la rates, ça. Alors, quand le gars, il prend pas d'élan du tout. Non? Ça, c'est vrai. Ah, c'est quand il y va tout doucement, en fait. Exact. Exactement. C'est effectivement quand le tireur de pénalty décide un peu de se moquer du gardien de but, puisqu'il envoie le ballon, mais alors tout doucement. Alors, Antonin, et au centre du but. Antonin soft. Il attend que le gardien ait plongé d'un côté et il envoie le ballon au centre du but, mais tout doucement. Alors, c'est une offense au gardien de but. Jeffleur. Et ça s'appelle. Hola. Pardon. Une hola. Mais c'est mademoiselle qui va le dire. Mais oui, elle va le dire dans 30 secondes. J'ai entendu ça. Un slapchick. Un slapchick. Mais non, un slapchick. Oui, mais il y a des. Moi, je connais un tchèque qui s'appelle Viroslav Slapchick. Donc ça pourrait être ça. Quel mythe. En tout cas, monsieur. Une draculade. Une poussette. Une poussette. Une dent trop cul à balayette. Non, c'est ça, dans ton cul. Les gardiens détestent ça qu'on leur fasse ça. Ah, oui. Le nom m'échappe. Les gardiens. Déteste ça. Une hanounade. Non. Les gardiens détestent. Et le premier à avoir fait ça, c'est Antonin 1-1 qui a laissé son nom à ce geste technique. 1-1. Mademoiselle, allez dans le micro de Philippe Gueluc et vous allez gagner une montre RTL. Vous, mademoiselle venez, je vous en prie. Vous semblez connaître le nom de ce tchèque qui a laissé son nom à ce geste qui s'appelle une. Une panenka. Une panenka. Bravo, mademoiselle. Mais ça sonne pas tchèque. Vous repartez avec une montre RTL. On va aller la chercher tout de suite, la montre RTL. Mais vous laissez la vôtre à la réception. Parce que c'est un échange. Elle vaut plus que celle qu'on va vous remettre tout à l'heure. Une panenka. Antonin Panenka. Et ça s'appelle une panenka. Et quand c'est vrai, un tireur au but fait cela, évidemment, c'est assez offensant pour le gardien. Alors, en plus, quand c'est dans une série de 5 tirs au but, c'est quand c'est, parce qu'il y a parfois des pénalties, évidemment, pendant le match. Ça, c'est quand une faute a été commise. Et puis il y a parfois des pénalties à la fin quand on n'arrive pas à départager les deux équipes. Et lui, Antonin Panenka, il avait fait ça justement en 1976 lors du championnat d'Europe et il était le dernier à tirer au but contre l'Allemagne. Et 40 ans plus tard, son geste, c'est-à-dire tirer tout doucement au centre du but et se moquer ainsi du gardien, son geste est resté dans l'histoire du football et on appelle toujours ça aujourd'hui une panenka. Comme Fosbury a laissé son nom à la façon de sauter en hauteur. Exact. Sur le dos. Alors sur c'est, le dos. C'est pas tout à fait du saut en hauteur, c'est du saut. Si, c'est du, saut, c'est en hauteur, du saut en hauteur. Avec la corde alors. Avec c'est le, de la, avec la, avec c'est la, de la culbute. Non, c'est ça. Qu'est-ce que. Mais non. On sent bien qu'Ariel, elle s'y connaît aussi. Au départ, le type s'appelait Marseille Culbute. C'est fou. Puis ces salauds d'Américains, ils nous piquent toujours tout. Non mais le saut en hauteur, Ariel, c'est pas forcément être à l'hôtel à des étages au 17e étage et passer une nuit agitée. Non, c'est un athlète américain qui a étonné le monde aux Jeux Olympiques en arrivant de face. Moi, j'y arrivais jamais à l'école. Alors ça, je n'y arrivais jamais à jouer à faire du fox machin là. Du foxtrot. Mais non, c'est pas. Vous étiez bon vous au saut en hauteur. Non, saut en hauteur. Moi, j'avais peur de me faire mal à la jambe parce qu'ils nous mettaient des barres en fer, hein, nous. Hein. Nous, ils mettaient des. Non. Vous confondez avec les haltères. Là, il y a une barre en fer. Le cheval d'Arçon, c'est un vrai bourrin. Mais... Non, mais attendez, arrêtez. Vous avez de la chance parce que chez nous, c'était pire. Ils nous mettaient un élastique entre deux montants. Alors, on peut croire que l'élastique est plus doux, mais comme on se le prenait, on se prenait les pieds dedans, il y avait les montants qui nous tombaient sur la gueule. Vous avez dû faire ça, vous, Ariel. Mais oui, oui. De la culbute. De la culbute. Alors, je me rappelle que le prof disait, mais écoutez, mademoiselle, c'est très simple. Il faut penser d'abord la tête et les épaules. Vous lancez tout ça en arrière. Et vous y arriverez, c'est ça qu'on vous dit. Exactement, oui. c'est ça. Et ça fait peur, en effet, aller la tête en avant, en culbute. Et quand on passe pas l'élastique, ça s'appelle une dombale depuis. Mais non, vous avez du ciseau. Du ciseau, vous bah, on oui. en ciseau. Ouais. Oui, mais ça, c'est en 1910. J'espère. On se souvient, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Ça, c'était en 1910 qu'elle vous a dit. Pardon, Bernard, mais c'est vrai, le ciseau. Mais non, moi, dès que les domestiques sont couchés. Ah ben, nous, on est de la même génération. Demain, tu t'appelleras Schtroumpfette. Vous avez fait quoi, vous? Non, mais il y avait le ciseau, c'était la première étape. Et après, c'était mais tout le après, corps. Après, il y avait la culbute. À l'école de Stevie, c'était ni la perche ou l'élastique, qui sautait le prof de gym. Bah, tu sais quoi, c'est vrai qu'il était pas mal. Hein. Stevie, c'était la corde à nœud. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TAEG fixe sur 12 mois. Ah oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 euros, ça vous fait 12 mensualités de 421 euros, soit un montant total dû de 5 041 euros. Alors là, je dis respect. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Et tout de suite, c'est la valise RTL dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une valise qui n'arrête pas d'être gagnée ces derniers jours. Et bien justement, ça devrait vous motiver à vous y inscrire sur notre site rtl.fr ou encore par SMS au 74 900 avec le mot-clé valise. RTL, c'est l'heure de la valise. Je propose évidemment que nous demandions à Christophe Willem de choisir un numéro. Parce que franchement, trouver l'équinoxe, il fallait le faire. Oui, moi je trouve. un numéro. Je suis pas sûr qu'il trouve le numéro d'ailleurs. Un numéro entre 1 et 20. Et puis, c'est vous, Christophe, aidé par votre assistante Ariel. Évidemment. Vous allez appeler ensemble pour la valise. Michel, vous êtes d'accord, on fait comme Moi, j'adore. Allons-y. Alors d'abord, espérons un numéro. Qu'il n'y ait pas 12. De musique d'attente parce qu'ils vont nous la chanter. 12. Le numéro 12. Pas mal. Il s'agit de Ahmed Boutaleb qui habite Maubeuge, dans le Nord. On va appeler Ahmed. Monsieur Boutaleb, notez bien son nom. Il habite dans le Nord. Ahmed écoute peut-être les grosses têtes. On l'espère. Il s'est inscrit en tout cas par SMS en envoyant le mot valise au 74 900. Ça sonne. Ah, il aime la musique, Ahmed. C'est toi, ça, non? We got the moves like Jagger. Elle est trop chaude. C'est quoi cette musique d'attente? Il est malin, Christophe. Hein. Maroon 5, non? Allô? Bonjour. Vous êtes sur la messagerie orange de. Vous savez ce que vous lui faites? Maroon 5. Vous lui chantez sur sa messagerie la même chose. Votre message après le beep. Ah, bah oui. 1, 2, 3. Ahmed, we got to move on it, do it. Ahmed, we got to do it, move it, my bed. Oh putain. Il va avoir une surprise. On sait pas ce qu'elle a chanté. Comment tu veux enlever le truc? À mon avis, il va changer d'opérateur. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce que tu es mauvaise. Oh non. Ah non, au contraire, moi ce que j'aime chez Ariel, c'est le courage. Elle y va, elle fonce. Je vous savais pas comme ça, vous êtes une fonceuse, vous. Hein, oui, oui, une fonceuse. Mais, oui. C'est vrai. Je m'excuse, Laurent, mais il est en train d'écouter son message. Alors, en gros, Ahmed, vous venez de perdre la valise. Ce n'était pas votre opérateur, mais Madame Dombal, qui vous chantait la musique d'attente pour vous dire que, hélas, vous n'avez pas décroché dans les temps pour nous dire le contenu de la valise. Et on devrait tous lui chanter quelque chose. Ah oui, moi je trouve. Puisque franchement, il nous a accompagnés en musique. Je savais pas qu'on pouvait mettre une musique d'attente comme ça sur la sonnerie. Bien sûr. Sonnerie. Alors chacun son tour. Bernard, qu'est-ce que vous lui chantez sur son réponse ? Ahmed ? Oui. Bon, je sais pas. Je ferai après. Alors Stevie d'abord. Ah voilà. Fais-moi du couscous chéri. Ah bah c'est sympa ça. Ah mais ça. Alors là, ça c'est pas du tout catégoriel ça. Non mais alors là vraiment. Non mais j'ai honte. Mais c'est honteux. Oh, non. Attends, j'en ai une. Moi je sais, moi je sais. Il est né à Bobo, jamais. Bah justement, tout moi, ça ne vaut pas. Un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Regardez la tête de Christophe. Vous connaissez pas ça? Vous connaissez pas cette chanson, Christophe? Mais ça alors. Une croisière sur la Meuse. Merci. Alors, ils ont fait des millions de choses. Les gens du Nord ont dans le cœur la valise qu'ils n'ont pas ailleurs. Ariel. Au Nord, c'était les corons. Ah, bah voilà. Voilà. Au Nord, il y avait le gros con. Non. Stevie, alors. Mais il a fait. Ah oui, il a ah fait, oui. Gueluc. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis. Au bal tous les samedis. Elle est interminable cette chanson. Mais ça va avoir quoi avec le Nord? Ah. C'est toi Olivier Le Kersauzon là-bas dans le noir? Olivier! Ah Olivier Le Kersauzon, c'est toi qu'on voit là-bas dans le noir. Tu n'as pas voulu nous suivre il y a deux ans Olivier. Tu reviens maintenant, hein? Tu reviens Olivier! Excellent. On aurait dit Alain Delon et Dalida dans Christophe. C'est à vous. Je voudrais bien Mespe. C'est pas commode d'être à la mode quand on est fille. Comme ouais. Voilà. C'est du Nord, non? C'est formidable, sa réserve. Bah attends, l'accent, il est du Nord dans la chanson. Mais non, c'est Annie Cordy. Et alors? C'est la bonne du cul. Bah, en Belgique, c'est le Nord. Mais... Non. Tu viens de faire 15 réservations à Bruxelles. J'espère que... Vous nous avez loupé le refrain. Je fais des bêtises derrière l'église. Je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Je voudrais bien... J'espère en tout cas que Ahmed a un forfait tout compris. Ça fait 20 minutes qu'il écoute son message et il ne sait pas s'il va remporter la montre RTL. Ah, mon cher Ahmed, oubliez tout ça, c'est juste des paroles. Oh. Vous pouvez raccrocher, vous n'avez pas gagné la valise. Les grosses têtes sur RTL. Géant, c'est l'été chez Géant. La saison idéale pour les balades avec votre compagnon à quatre pattes. Et le moment de profiter de l'offre exclusive sur les biscuits pour chiens Purina Daily Bucky Rolls en paquet de 320 grammes. Le troisième paquet est gratuit tout de suite. Soit par 3, 1,27€ le paquet au lieu de 1,90€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon, prenons un élève qui entre en terminale S. Si l'on considère qu'il est en pleine forme pour la rentrée, mais qu'en parallèle, il a peur d'avoir tout oublié en maths pendant les vacances, comment faire pour qu'il retrouve sa motivation et ses connaissances? Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour aborder la rentrée bien préparée. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. RTL, première radio de France. RTL. La suite des grosses têtes de Laurent Ruquier après 17h. Les infos, Olivia Leray. Bonjour à tous. Le Conseil d'État a donc dit oui à la tenue du référendum concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette consultation doit avoir lieu dimanche prochain. Près de 970 000 inscrits sur les listes électorales en Loire-Atlantique sont donc invités à répondre à cette question. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? La plus haute juridiction administrative a estimé que la question posée aux électeurs n'était pas ambiguë. Organiser un défilé jeudi à Paris n'apparaît pas envisageable. C'est ce qu'affirme Bernard Cazeneuve dans une lettre adressée au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Après les violences survenues dans les dernières manifestations, le renouvellement d'un cortège itinérant le 23 juin n'est donc pas possible pour le ministre de l'Intérieur. Malgré la proposition de la préfecture de police d'un rassemblement Place de la Nation, les syndicats opposés à la loi travail ont donc décidé de maintenir leur demande de défilé. Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Olivia. Ce bras de fer sur la manifestation de jeudi est au programme d'RTL Soir. Absolument, nous reviendrons dans RTL Soir sur cette patate chaude donc que se renvoient préfecture et CGT avec au milieu les forces de l'ordre à bout. À 18h20 notamment, le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier sera notre invité, Olivia. À tout à l'heure, merci Marc-Olivier Fogiel. À 3 jours du référendum sur le Brexit, hommage solennel à Jo Cox au Parlement britannique cet après-midi. La députée pro-Union Européenne a été abattue la semaine dernière. David Cameron a appelé les siens à s'unir contre la haine qui a tué leurs collègues de travail. Le Premier ministre britannique a ensuite demandé à honorer la mémoire de Jo en prouvant que la démocratie et la liberté pour lesquelles elle s'est battue étaient inébranlables. Hommage aussi du côté de Pézenas dans l'Hérault, cette fois à Jean-Baptiste Salvan et à Jessica Schneider. Les deux policiers assassinés par Larossi à Bala il y a une semaine à Magnanville ont été inhumés dans l'intimité à côté de cette petite ville d'où était originaire Jean-Baptiste Salvan. L'enquête avance sur l'attentat manqué dans le train Thalys reliant Amsterdam à Paris, c'était il y a presque un an. 6 personnes ont été interpellées en Belgique aujourd'hui. Le parquet belge précise qu'aucune arme ni explosif n'avait été découvert à leur domicile. Souvenez-vous, en août 2015, un homme armé d'une Kalachnikov voulait ouvrir le feu dans le train. Il avait été maîtrisé par 2 militaires américains. Attention, si vous êtes du côté de Nantes, il va falloir vous organiser. Pas de tram et peu de bus jusqu'à demain soir. Le personnel de la Sumitane a exercé son droit de retrait après l'agression d'un conducteur de tram samedi soir. Une bonne nouvelle, elle nous vient d'un peu plus loin, de Rennes, et elle confirme notre information RTL de vendredi. À partir de 2018, l'usine PSA, qui était sérieusement menacée, va construire un nouveau véhicule SUV de type crossover. Cette nouveauté donne 10 ans de visibilité industrielle au site rennais, souligne le patron du groupe PSA. Ça ne vous a pas échappé, hier, lors du match Suisse-France, les maillots de l'équipe suisse de football étaient quelque peu fragiles. Eh bien, Puma, l'équipementier, réagit aujourd'hui. La marque a fait savoir qu'un défaut de fabrication était à l'origine de l'avalanche de maillots déchirés. Après ce match nul 0-0, nos Bleus sont arrivés à Clairefontaine pour une semaine de travail. Leur huitième de finale n'a lieu que dimanche. C'est mercredi, au plus tard, que l'on connaîtra l'adversaire. Ce soir, 21h, deux derniers matchs du groupe B. À Toulouse, Russie, Pays de Galles. À Saint-Etienne, Slovaquie, Angleterre. Les derniers conseils et pronostics avec vous, Thibaut Geffrotin. Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Et on joue avec le match Russie, Pays de Galles, match du groupe B décisif pour la qualification en huitième de finale. À vivre en direct sur RTL à 21h en simultané avec l'autre match du groupe Slovaquie-Angleterre. Les Russes qui doivent absolument s'imposer car ils sont derniers du groupe avec un point seulement. Avec trois points, le Pays de Galles est mieux placé. Il pourrait même terminer en tête du groupe si l'Angleterre ne s'impose pas. Les cotes sont très serrées pour ce match. Victoire de la Russie à 2,80. Match nul à 3,10. Et le succès du Pays de Galles à 2,95. Code sujet à évolution. Les Gallois avec leur star Gareth Bale, très en réussite depuis le début de l'Euro. Deux buts en deux matchs, inscrits sur coup franc direct. Une arme très importante en cas de match fermé. Autour de la star du Real Madrid, l'équipe galloise s'appuie sur des joueurs qui évoluent pour la majorité en première ligue anglaise. La Russie a aussi des atouts pour, comme son attaquant de Saint-Pétersbourg, Dziuba. Prochain rendez-vous pronostic à 20h dans RTL, grand soir d'Euro avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Le temps pour demain, les pluies continuent sur la moitié nord du pays. En revanche, dans le sud, le soleil s'impose dans l'après-midi. Les températures de 11 à 19 degrés le matin et de 19 à 31 l'après-midi. Vous êtes sur RTL, il est 17h04. Vous retrouvez la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Michel Bernier, Ariel Dombal, Stevie Boulet, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Christophe Willem. Bonjour. Et Bernard Mabille. Et tout à l'heure, Bernard, vous parliez du cheval d'Arçon et de tous ces, oui, ces ustensiles qu'on utilise pour la gymnastique. Eh bien, sachez que pour les JO de Rio, l'été prochain, là, enfin cet été, au mois d'août, hein, c'est quand même, faut quand même, on va enchaîner. Hein, c'est mal parti pour le moment. Après l'Euro 2016, oui, vous avez quand même le Tour de France et puis ensuite les Jeux Olympiques. Eh bien, sachez que c'est une petite entreprise de Haute-Saône qui fournit les équipements des gymnastes pour les JO de Rio l'été prochain. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la ville de cette petite entreprise, c'est Rio. Mais Rio avec un Z à la fin. La société ABO est une entreprise qui envoie quasiment un semi-remorque jusqu'au Brésil, chargée de... Quoi ? Il y a de l'eau, on leur a dit. Non, mais ils ont ils des envoient rames. Un semi-remorque. Jusqu'au Brésil. Ils ont des rames. Par bateau, j'espère. Oui, par bateau, d'accord, évidemment. D'accord. Et à l'intérieur, il y a 186 agrès. C'est ce que c'est que les agrès. Bien sûr. Les anneaux, en fait. Mmh. Voilà. Les anneaux, les barres parallèles. Les barres parallèles. Etc. Les praticables, les tapis aussi. Et les podiums aussi. Et les poutres. Et les poutres. C'est bien, c'est français. Comme on verra pas nos athlètes, on aura le matériel français. Croyez pas ça, je crois qu'on a un petit gymnaste qui est pas mauvais du tout. Au ruban, au ruban. Mais non, pas. Il est bon en galipette. Ah bah bien, bien. On disait ça quand on était enfant. Oui, on moi, j'arrivais pas à faire la roulade. Non. À l'avant, à l'envers. Ah non, je faisais pas la roulade, j'étais triste. De toute façon, moi, et la roulade de jambon, vous y arrivez. Je voulais pas faire la roulade. Mais en quoi consiste la roulade, déjà? Faisons une démonstration. Non, mais vous voyez la culbute, mais au sol. Ben, il faut la faire là. C'est là, mais c'est pas oui, mais sur le côté ou en arrière? Non, devant. Non, mais en avant. Sur le côté, je sais faire. En avant. En avant, en arrière. Vous mettez la tête comme ça et tu roules comme ça. Vous voyez, la roulade, une roulade. Fais-lui. Ah, Stevie va vous faire la roulade. La roulade du Mans. Voilà. Mais ça va faire mal à la tête, là. Oui, voilà. Très joli. D'accord. Mais moi, la persévérance, j'excellais. Où okay. ça Ma salle de sport, quand j'étais gamin, ça s'appelait la persévérance. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais si c'est une salle de sport au Mans, bah attends... Au Mans. Tu faisais une roulade devant Brad Pitt, Angelina Jolie, et c'était une femme seule. Tu connais pas la roulade Bordeaux-Chenel? Il y a Ariel qui caresse aussi. Mais oui, parce que je trouve ça mignon d'avoir fait la mini-culbute. Attends, je peux t'en faire une si tu veux. Non, c'est... On a un sous-sol. Non, puis ça va prendre du temps. On a tous les petits Chinois qui fabriquent les montres RTL qui sont à la cave en dessous. Rioz, c'est donc une petite ville où se trouve la société ABO, qui est une entreprise familiale, hein, quand même 1000 salariés, dont 600 à l'étranger, déjà, qui fabriquent donc les podiums pour les épreuves de gym, je vous ai dit, les agrès, les tapis, les praticables. Mais il se trouve que, comme l'entreprise cartonne depuis déjà quelques années, ils ont même absorbé, racheté une autre entreprise l'année dernière, l'entreprise néerlandaise Janssen Fritzen, principale concurrence, c'était les concurrents de la petite société de Rio. Sauf que les concurrents néerlandais, 45 millions de chiffre d'affaires, 200 salariés, absorbés par notre entreprise française, ben, ils fournissaient aussi d'autres choses pour les Jeux Olympiques, si bien que maintenant, c'est aussi ABO qui les envoie à Rio. Des drapeaux. Quoi donc ? Des drapeaux. Je suis arrivé au bout de ma question. Quoi donc ? Des vélos. Des vélos. Pas des drapeaux. Non. Des drapeaux, non. C'est pour faire du sport. Ah, bah oui, oui, c'est pour les choses. Des balles ? Des balles ou des ballons ? Des balles ou des ballons, non. Des survêtements ? Non. Des paniers. Les poids. Les poids, non. Sur des bateaux, ça pourrait, c'est pas bête, ça. Les javelots. Javelots. Les javelots. Le javelot, non. Les disques. Les disques. Les disques, non. La tige pour le saut en hauteur. Ça se lance. Ah non, les matelas de réception. Vous voulez dire la tige pour la culbute. Exactement. Non, les matelas de protection. Il n'y a pas de tige, Ariel, pour comment le, pour le saut en hauteur. Non, mais la perche. À la perche. Pour le saut à la perche. Laurent, je sais. Les pistolets pour donner le départ des courses. Du tout. Non. Les starting blocks. Bah, trouvez le sport et vous trouverez le matériel, voyez. Alors, c'est un sport d'air ou de terre? C'est ou un sport à l'intérieur. À l'intérieur. Ah, le cyclisme. Les panneaux de volley. Non. Mais les filets de basket. Les ballons. Ah, les ballons. Ah, les panneaux de basket. Les panneaux de basket. Bonne réponse de Bernard Mabille. Enfin, en même temps. Vous pouvez pas faire vivre non plus une société de 1000 personnes en fournissant des panneaux de basket aux Jeux Olympiques. Bah, si. Ah ben croyez pas ça, parce que dans toutes les écoles on met des panneaux de basket. Oui. Ça remplit le panier de la dans les écoles, même par exemple, dans qu'est-ce que vous dites, Christophe? Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de fournisseurs et pas genre deux gros comme ça. Ah bah non, il y a pas 18 000 fournisseurs de panneaux de basket. Les pauvres n'auraient pas un marché suffisamment chacun grand. Chacun ferait la moitié. on change pas de panneaux de basket toutes les. Mais c'est très sécurisé un panneau de basket parce qu'il faut pas. Souvenez-vous, il y avait eu un drame. Oui, oui. Il ne faut pas que le panneau de basket tombe. Retombe, surtout qu'il y a beaucoup de grands athlètes qui s'accrochent. Et oui, bravo Ariel. Voilà, qui s'accrochent au panier. On sent que tu regardes la pétanque, toi. Hein. Voilà. Non, c'est d'ailleurs très beau ce moment où ils s'accrochent comme ça et puis de manière désinvolte, ils mettent le ballon. Vous pourriez jouer au basket, vous, mais Ariel. J'ai joué au basket. Ah, mais j'étais sûr. Ouais, ah, oui, j'ai adoré le basket. Ah, oui, vous avez au Mexique et. Vous étiez pas nous. Ça s'appelle le basketo là-bas. Vous étiez pas nous. Non, j'étais assez championne. Ah, oui, j'adorais le basket. Ah oui, mais je suis sûr. Imaginez Ariel au milieu de deux équipes de petits Mexicains avec des sombreros. Elle dépasse forcément et elle tape dans le mille. Non, mais j'étais très heureuse et mon équipe s'appelait The Crazy Hippies. Et on faisait des vrais jeux inter-écoles et on était championne. Oui, c'est super. Entre c'est ça cool. Et la persévérante, je sais pas où je vais les chercher, mes grosses têtes. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Bon plan, entretien auto. Eurorépar Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59€ pour toutes les marques. 59€? Oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59€. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Géant, c'est l'été chez Géant. Faites le plein de fraîcheur et de vitamines avec l'offre exclusive sur le Tropicana Pure Premium Orange sans pulpe en pack de 4 bouteilles d'1,5 litre. Le deuxième pack est à moins 50% tout de suite. Soit par deux, le pack à 6,93€ au lieu de 9,24€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Croquez votre pastille, Bernard Glace. Voici l'arrivée des courses à Vichy. Bien joué, Virginie. Pour un rappel, bien entendu, de l'arrivée du quintet de cet après-midi, la bonne combinaison, le 7, le 18, le 4, le 8 et le 2. Le 9 était non partant et le numéro plus 736. Arrivée et rapport de la 6e, c'est le 7 Bankster qui s'impose 5 et 2 20 placés devant le 2 Baldi, 3€, et le 4 Blue Hawks, 5,80, 4e, le 11. La 7e a vu le 8 Bethlehem s'imposer, 2,61, 70 devant le 5 Blue White, 6 euros. Et le 11 Boléro, 2-20, 4e le 13. Et puis à l'instant, l'arrivée de la 8e et dernière, c'est le 2 Usual qui s'impose de bout en bout devant le 12 Vertige News et le 17 Unit Price, 2, 12, 17. Et le 9 prend la 4e place. Bien entendu, les résultats complets, les pronostics pour demain. Le répondeur 32-10 et le site onrefaitlescourses.fr. Demain, c'est à Dieppe. Et bye bye. Bye bye. Demain. Oui. Forcément, vous êtes à Vichy, non ? Voici une actualité spectacle de l'une de vos grosses têtes. Il s'agit de Bernard Mabille qui sera au Théâtre Antoine à la rentrée à partir du 10 octobre pour son nouveau one-man show. Mais en attendant le 10 octobre, Bernard est au grand studio de RTL avec les autres grosses têtes et avec Laurent Ruquier. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Karine est au téléphone. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Karine, vous habitez 7 dans l'Hérault. Que faites-vous aujourd'hui ? Oui. Travaillez ? Vous êtes en repos ? Je suis au travail. Au travail, vous êtes sur votre lieu de travail. On va parler doucement, alors, pour pas que le patron entende. Vous faites quoi ? Je suis dans la restauration serveuse. C'est quoi le nom du restaurant ? C'est le quai 17 à 7, au Grand Hôtel. Le quai 17 à 7. Le quai 17 à 7. Oui. Voilà. Très bien. Et c'est bon ? C'est bon ? C'est très bon, il faudra venir nous voir. Ah bah oui, très bien. Les spécialités aujourd'hui, il y avait quoi au menu ? Le plat du jour ? Il y avait de la bourride. De la bourride ? C'est quoi ça ? Expliquez à Stevie ce que c'est que la bourride. La bourride, c'est de la lotte liée à l'aioli avec des petits légumes mixés et des pommes de terre vapeur. Et dites donc quand même, hein, bon, ça donne envie. Hein. Ah, oui. Spécialité, c'est toi. Eh ben tiens. Vous avez une table pour 7. C'est vrai qu'on est 7. Et vous allez, chère Karine, peut-être partir grâce aux grosses têtes au château de Pizet. Alors vous allez me dire, mais où se trouve le château de Pizet ? Au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. C'est devenu un hôtel 4 étoiles. C'est un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Vous serez accueillis ensuite duplex. C'est pas mal. Oh là là, ça fait un étage, ça. Ah oui, dans un environnement de 80 hectares de vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales, le château de Pizet proposera sa piscine extérieure chauffée, son court de tennis, son pass aquasens pour profiter du spa de 1000 mètres carrés. Oh là là. Chère Karine, mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Mes grosses têtes vous laissent 10 secondes d'avance. Et justement, la question va concerner une de nos grosses têtes. J'en apprend dans la presse, entre autres dans Téléstar, mais l'information est reprise par Direct Matin, qu'une de nos grosses têtes est pressentie pour faire Danse avec les stars. Décidément, on a déjà eu je crois un des frères Bogdanov qui avait été pressenti. Je crois qu'ils n'ont pas fait, hein, les Bogdanov. Parce que la finale avait lieu à Menton. Il est interdit de séjour là-bas. Ils reviennent cette semaine, nos amis Bogdanov, dans les grosses têtes. D'accord. Alors méfiez-vous de ce que vous dites. Bon, c'est une des grosses têtes et on vous donne un indice. Et Titoff. Ce n'est pas Bernard Mabille. Non, c'est pas Bernard Mabille. Titoff avait fait aussi Danse avec les stars. Notre ami Titoff. Ben voilà, il y a une nouvelle grosse tête qui est pressentie pour faire Danse avec les stars la saison prochaine. Qui donc ? On voulait chercher parce que nous, on ne sait pas. Vous ne savez pas ? Non. Stevie, c'est pas vous, Stevie. Hein. Qui est là ? Ça pourrait être Ariel Dombal, non ? Mais on me l'a déjà proposé. Ah, et vous avez dit non ? Mais j'ai dit non. Un homme ou une femme ? Une femme. Une femme. Ça va être... Ah, c'est Caroline. Caroline Diamant, non. Non. Karine Le Marchand ? Karine Le Marchand, non, elle peut pas, elle est sur M6. Elle peut pas aller sur TF1 faire Danse avec les stars. Christine Bravo ? Christine Bravo, c'est vrai qu'elle pourrait. Ah, ce serait drôle. Christine Bravo dans Danse avec les stars, ce serait énorme. J'adore le dé. Alors, je pense même qu'elle vient de piquer la place de l'autre, là. Une femme qui a intégré les grosses têtes il n'y a pas longtemps. Un peu comme Ariel Dombal, vous voyez. Mais Ariel vient un peu plus souvent qu'elle, mais elle vient quand même pratiquement une fois par semaine. Est-ce qu'elle a un accent un peu argentin ? Du tout. Souvent le vendredi, non, ce n'est pas Marcella Yacoub, ce n'est pas Christina Cordula. Liliane Montevecchi ? Ah bah ça c'est une danseuse, Liliane Montevecchi, mais enfin elle a 85 ans maintenant. Claude Sarraud. Non. pour un slow. Christine O'Krent. Christine O'Krent, non mais on se rapproche. Non, alors allez-y. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, enfin, Karine. C'était facile. Hein. Si vous écoutiez les grosses têtes suffisamment, quand même, vous pouviez trouver Roselyne Bachelot, non ? Oui, on n'y a pas pensé. Vous n'avez pas pensé qu'une ex-ministre pouvait faire Danse avec les stars. En plus, c'est vrai, j'avais dit, j'ai pas pensé. C'est perdu, alors, hein, Karine. Je suis désolé. On la suivra, évidemment, Roselyne, dans Danse avec les stars. J'espère qu'il n'y aura pas de portée, parce que ça va être... Mais elle a dit oui, Ah, je sais pas si elle a, d'abord elle a beaucoup minci et c'est une excellente danseuse, j'en suis sûr. Ah, oui. Si elle veut danser la mort du cygne, tu prends une carabine et c'est vite fait. Bon, Karine, ça va être une montre RTL pour vous alors. Merci. Ben oui, oh, je vous sens un peu triste quand même à cause de... Non, non, c'est pas grave. Je vous ressors juste un bisou à mon neveu Yo-Yo qui nous écoute. Ah ben votre neveu Yo-Yo, on l'embrasse aussi. Yo-Yo. Comment il va? Il va bien, il a des hauts et des bas. On vous embrasse, Karine. Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. On frappe dans le Schmilblick. Répondez vite au 36 74 code 64. 3 euros l'appel plus coût opérateur. Conditions de remboursement sur leschmilblick.fr. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. Vous êtes très nombreux à me dire que l'actualité va trop vite, qu'un débat en chasse un autre, et finalement que d'info en info, on perd le fil de la réalité. C'est pour ça que chaque matin sur RTL, notre priorité c'est de prendre le temps de nous arrêter pour réfléchir, du temps pour découvrir les faits, pour les analyser, et finalement en débattre et trancher. C'est vrai que c'est impeccable, des bonnes synthèses, parfait. Avec François Langlais, Alba Ventura, Olivier Mazerolle et toute l'équipe d'RTL Matin, c'est la promesse que nous tenons chaque jour dès 7h. Et vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors à demain, Président Gérard, 7h-9h30 sur RTL. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pellets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pellet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpellet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Carrefour. Claire, c'est à toi tout ce linge-là ? Oui. Bon, alors tu vois, ça c'est une machine à laver. Alors tu ouvres là, tu mets ta lessive. En plus, dès demain et jusqu'au 27 juin, chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur de nombreux produits, comme la lessive du haut bulle Le Chat. Ensuite, tu mets ton linge, tu fermes le hublot. Je crois que j'ai compris le message. Du 21 au 27 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur de nombreux produits, comme par exemple la lessive du haut bulle Le Chat. L'expert ou sensitif par 32, produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Carrefour. L'Euro 2016, c'est aussi sur TMC. Dernier match de poule de l'équipe d'Angleterre. Emmené par Wayne Rooney, les Anglais affrontent la Slovaquie. Slovaquie-Angleterre, ce soir à 20h50 en direct sur TMC. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 m3 grâce à la banquette Modiwork. Et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. RTL. Et jusqu'à 18h, c'est rire avec les grosses têtes. Je dois ajouter dans la valise RTL quelque chose d'autre. Ah. Elle est déjà bien fournie, hein, cette valise. Tout à l'heure, notre auditeur n'a pas répondu, Ahmed, mais il aura de bien jolies chansons sur son oui, répondeur. Oui, c'est vrai. 1001 euros, le DVD Joséphine Sarrondi, réalisé par Marie-Lou Berry, un coffret de chocolat collector Ligue 1, un séjour en famille à Vulcania en Auvergne, le livre de Claude Pujade-Renaud, tout dort paisiblement, sauf l'amour, et j'ajoute, le smartphone et la tablette Arcos, édition limitée, équipe de France. Le smartphone a un écran 5 pouces HD, 16 géos de mémoire, 2 caméras. La tablette, elle, a 1 giga de mémoire vive. Et tous les deux ont un contenu dédié à l'équipe de France, une appli et des photos dédicacées des joueurs, un porte-clés équipe de France, un maquillage tricolore, une pochette de protection. Pas besoin de retenir tout ça. Notez juste le smartphone Arcos et la tablette Arcos, édition limitée équipe de France. Une question maintenant pour Abo Solène qui habite Nantes. Et la question concerne quelqu'un dont le nom d'artiste était d'abord le nom de famille, Javatchev. Puis ensuite, il a changé et il a pris son prénom comme nom d'artiste. Christo. Et c'est Christo. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo, Philippe. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. C'est un malheur, là. T'as vu. Pardon. C'est normal, quand même. Il est artiste lui-même, ah, Philippe Gueluc. Ah, ouais. Mais vous voyez, j'ignorais que Christo, c'était son prénom et qu'au départ, il avait pris un autre pseudonyme et il s'appelait Javachef. Et Christo est même le nom d'artiste de lui et sa femme associée. Exact. Parce mais qui est décédée, elle. Elle est décédée. En 2009. Voilà. Effectivement, j'ai failli vous poser la question, mais vous auriez su aussi répondre. Donc, Jeanne-Claude Donat de Guillebon. Ah bah c'est même Christo. Même Christo, elle était française, elle. Ouais. Jeanne-Claude Donat de Guillebon, alors et que lui, lui est bulgare. Bulgare. Christo qui vient d'emballer alors une sorte de chemin dans la mer qui permet de relier l'île à une Italie. C'est voilà, fou, sur un lac. Italie, sur un lac. À l'Italie, pardon. À l'Italie, c'est sur un lac italien. Dont le nom m'échappe. Et il s'est rendu célèbre, évidemment, pour avoir emballé le Pont-Neuf, pour avoir emballé le Reichstag, et pour avoir emballé des tas d'objets. Et de gonzesses depuis que sa femme est morte. C'est pas lui qui a fait le Panthéon aussi? Non. Ce sont des travaux, ça. Ah oui, c'était des travaux. C'était... Non, il y avait des visages. Oui. Il y avait des grands visages. Non, ça, c'est l'armement, ça. Peut-être. Non, les visages étaient dessinés par. Non, mais là, il a installé. Les visages étaient dessinés par Ernest Pignot-Ernest. Il a installé des passerelles sur le lac d'Iseo, c'est dans le nord de l'Italie, et ça donne l'impression de marcher sur l'eau. Alors, les gens sont super contents. Il y a 11 000 personnes qui peuvent marcher en même temps sur toutes ces passerelles. Mais il y avait trop de monde ce week-end, ils ont été obligés de dire aux gens repartez, parce que là, on va tous couler. Et les non, mais c'est vrai, les organisateurs ont dit ne venez plus, venez un autre jour. D'autant que la pluie et le vent ont entraîné l'évacuation des passerelles. Oh là là. Parce que c'est un peu risqué tout de même, parce que les gens, quand même, marchent sur les passerelles au milieu de nulle part, au milieu de l'eau. Cela dit, c'est toujours magnifique à voir. Mais vous savez, donc, Christo s'est rendu célèbre dans les années 50 en emballant des objets, des vélos et des trucs comme ça. Et après ça, des monuments. Ouais. Et j'ai fait récemment dans un salon d'art un tableau du chat qui est devant un Christo, un truc emballé comme ça. Il dit quand on vous livre un Christo par la poste, vous demandez toujours si vous devez le déballer ou non. Hein? Et il y a un type qui était là dans le stand à côté et qui dit mais comment vous savez? Je dis comment je sais quoi? Mais il me dit ça vient d'arriver. Il y a un préposé au transport, il y a un Christo qui est arrivé sur le stand et le mec il a coupé les ficelles et il a ouvert le truc. Il y avait rien dedans évidemment puisque c'était l'œuvre elle-même. Ah oui. Et donc ah ouais. Le galeriste était très emmerdé. Il a dû le renvoyer à Christo à New York pour qu'il le restaure. Ah oui, c'est ça. Donc à l'intérieur d'un Christo il y a souvent rien. Mais je savais pas qu'il faisait aussi des petits cristaux en fait. Enfin, je veux dire, je pensais qu'il n'emballait que des monuments, moi. Ah non. Ah non, il emballe une déclinaison, aussi. Quoi. Il emballait des. Il emballe de l'air aussi. Des objets, oui. des trucs, bien sûr. Et il puis, est comme vous, Laurent, il emballe. Oh, oh. Moi, je domballe, ça n'a rien à voir. Oh, dis donc, elle est flatteuse. Hein. Enfin, elle avait raison, mais elle est quand même. Elle sait se placer. Elle sait se placer pour la rentrée prochaine. C'est la patronne, hein. C'est devenu la patronne. Ouais. Michel Pardon, hein, je suis obligé de vous le dire. Non, mais c'est mon ami que j'aime tellement. Vous qui avez travaillé avec Ariel Dombasle, on n'imaginait pas qu'elle allait s'imposer comme ça au sein de cette équipe. Mais moi, je n'en doutais pas parce que je sais que c'est une fille tellement drôle dans la vie et d'une générosité, d'une gentillesse. Donc, elle était faite pour aller avec vous, Laurent. C'est bien la patronne vu la façon dont elle en parle. Mais c'est vrai. Moi, je t'adore, Ariel. Ah, c'est vrai. Mais je sens qu'il y a un ticket entre vous et Ariel. Je rêvais de la rencontrer quand je la voyais travailler avec Savary et tout ça. Je rêvais de la rencontrer un jour. Oui, avec les nains, les fameux nains. Et c'est. Oui. Mais c'est grave, vous qui avez. Ça, je me souviens toujours de cette histoire du nain qui est mort après qu'elle ait joué avec lui. Comment il s'appelait, votre nain? Il s'appelait Carlitos. Carlitos. Et on jouait. La belle et la toute petite bête. Oui, et il était la toute petite bête. Ouais. Et voilà. Comment il est mort déjà? En attrapant un rhume. Écrasé mais il par était. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Non, c'est vrai, parce qu'il avait son costume d'hérisson. Et alors. Faut que t'arrêtes de fumer un peu, hein, parce que mais là. C'est fou. Fou. Mais tu vois. Voilà les mille vies d'Ariel. Je pourrais lui faire raconter 10 fois, ça me fait rire à chaque fois. Fou. C'est affreux pour la famille de Carlito si elle nous entend. Ah oui, mais surtout pour les hérissons. Oui. Mais donc, il ouvrait son costume d'hérisson parce qu'il avait très chaud là à l'intérieur. Forcément. Il avait mis une sorte de ventilateur. dans le hérisson. Et il a attrapé un rhume. Et il est mort du rhume. Oh là là. Ah mais moi j'ai une histoire. On meurt plus vite quand on est petit. Hein. J'ai une histoire aussi. Je me rappelle plus du nom du type. C'était en Belgique. Il était comédien. Il était très petit et il était très méchant. Et un jour, il a un accident, je sais pas quoi, et il va dans, il est dans, un hôpital, enfin, puis il est en revalidation, et il y a un copain, le copain, qui va au nom des autres pour lui rendre visite, et le mec se remettait bien et tout, et il va lui rendre visite, et la visite se passe, et puis il s'en va, le mec remonte dans sa voiture, l'autre lui dit au revoir derrière la voiture, l'autre recule, le voit pas, il l'écrase et il le tue. Oh! Mais c'est atroce! Mais il était méchant. Skoda, partenaire officiel du Tour de France 2016 et RTL vous offre un survol en hélicoptère de la 10e étape du Tour de France le 12 juillet prochain dans les Pyrénées de Escalde en Gordanie. À Revel, vous aurez le privilège de vivre les meilleurs moments de la course au plus proche des coureurs. Rendez-vous donc demain entre 4h30 et 7h dans RTL Petit Matin avec Stéphane Carpentier et Marina Giraudot pour découvrir l'indice du jour. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Dominique Blanc-Francard est un des grands ingénieurs du son français. Il a travaillé avec Elton John, Pink Floyd, The Grateful Dead, au studio légendaire du Château d'Hérouville. Il vient de sortir un livre et un disque, It's a Teenage Dream, où ses amis les artistes français chantent des hits des 60s. Dominique Blanc-Francard est mon invité mercredi soir dans les Nocturnes sur RTL. George Lang. 118-712, le numéro de référence pour trouver un restaurant indien. 118-712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. J'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine. Si on changeait tout. Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Venise, un garçon qui ne parle pas, qui officiellement n'existe pas. Une mort brutale, une mère qui se tait. Derrière les majestueuses façades des palais vénitiens, une famille d'aristocrates et un lourd secret. Retrouvez le commissaire Brunetti dans le nouveau roman de Donna Leon, Le garçon qui ne parlait pas. 7,70€, disponible en poche aux éditions Point. Carrefour Market fête ses clients. Il y a de l'ambiance chez vous. Vous avez changé la déco, faites une fête, c'est pour quelle occasion? C'est la grande fête, Michel. À partir du 21 juin, Market fête tous ses clients. Oh, c'est sympa ça. Et oui, et jusqu'au 3 juillet, il va y avoir des promos à gogo, des animations et beaucoup de surprises. Oh, j'aime beaucoup votre programme. Attendez, je vous raconte. Par exemple, dès mardi chez Market. Ah non, ne me dites rien, j'adore les surprises. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Pour ses grosses têtes cet après-midi, Laurent Ruquier a convoqué Michel Bernier, Christophe Willem, Stevie, Philippe Geluck, Bernard Mabille et Ariel Dombal. Une question maintenant pour Isabelle Olivier qui habite Cabourg. Et la question nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Bastien Rabastens qui est cofondateur d'une société dont on nous parle dans Le Parisien aujourd'hui. Si vous avez lu Le Parisien, vous saurez répondre parce que c'est assez incroyable. Cette société a vu son chiffre d'affaires augmenter de 300% l'année dernière en 2015. Ah, moi, je sais ce que c'est. Allez-y. Eh bien, c'est les gens qui maintenant élèvent des insectes pour qu'on les mange. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ah, mais c'est pour ça que tu as une taille de guêpe. La société Jiminy's, évidemment, à cause de Jiminy Cricket, la société Jiminy's de Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne, eh bien, a eu raison d'avoir l'idée de commercialiser des insectes pour l'apéritif, hein, je crois, essentiellement. C'est bon. Et oui. Et il y a goût bacon, enfin. Ah, ben, vous avez des cupcakes, des quiches, des apéros insectes. Des quiches. Ah oui, des quiches aux insectes. Oh non, non. Avec des criquettes. Moi, l'autre jour, je roulais à vélo. Des grillons. La boîte de grillons, c'est 7,90 euros. Mmh. Moi, l'autre jour, je roulais à vélo, j'ai avalé une mouche, ça m'a pas donné envie de. Elles sont cuites. Et oui, il paraît que c'est très très bon d'ailleurs. La preuve, 300% de croissance de chiffre d'affaires. Ouais. Bonjour, monsieur Rabastens. Bonjour, monsieur Riquet. Il y a combien de temps que vous avez fondé cette petite entreprise? Eh bien, écoutez, ça fait presque 4 ans. 4 ans, et vous ne vous attendiez pas à un tel succès tout de même? Non, on ne s'attendait pas autant à un tel succès, mais en fait, nous, on est une jeune start-up qui très vite a été à l'export, et c'est vrai qu'en France, il y avait quelques réticences, mais les Européens sont curieux de nos produits. Et je rectifie, on ne fait pas de quiche ou pas de cupcake, on fait vraiment que des produits apéritifs déshydratés. Ah, des criquets, des grillons, des molitors, c'est quoi les molitors? C'est des verres de farine. Ah oui, donc pour faire une mayonnaise, vous prenez combien d'œufs de fourmis? Non, mais alors, il faut savoir que c'est effectivement des insectes d'élevage. Ce ne sont pas des insectes que vous ramassez en allant à la chasse aux insectes dans la rue ou dans les champs. Exactement. En tout cas, ce qui est fou, c'est que vous en vendiez autant. Et on peut conserver, il faut le savoir, les sachets ou les boîtes un an. C'est à peu près ça quand on achète. Exactement, voilà, c'est un produit déshydraté. C'est donc, sympa, parce qu'après à l'abri ça, du sec et de l'humidité. Après, il se réveille et il migre vers les pays chauds. On peut en trouver un peu partout, enfin partout. En tout cas, au BHV, au rayon gourmet des Galeries Lafayette, sous les meubles, à la grande épicerie, c'est ça. Dans mon slip. Non. Oh non, les morpions, ça ne se consomme pas. Ça se consomme. Internet également, et puis. Mais enfin, j'imagine qu'il y a insecte et insecte. Par exemple, le cafard doit pas être prisé, si. Non, comme vous disiez, il y a aujourd'hui 1200 espèces d'insectes comestibles, donc on les propose pas toutes. Nous, on s'est centré sur les trois que vous avez citées, donc le grillon, le criquet et le ver de farine. Et vous faites des grillons sauce barbecue? Exactement. Ariel, vous avez déjà mangé des insectes? Ah non, pardon, mais vraiment, je n'en mangerai jamais de ma vie. Mais pourquoi? Parce que de la salade. Non, mais ça me fait peur. Et non, mais il bouge plus. Manger une araignée, un cafard, tout ça, vraiment, ça ne m'attire pas. Avec toutes ses pattes et ses yeux et les antennes. Mais tu ne les vois plus, ils sont cuits. Il n'y a que 6 pattes. Est-ce qu'ici, vous allez tous vous mettre aux insectes? Oui, d'ailleurs. Oui. Ah non, moi non, je suis comme non, mais toi, c'est l'avantage du grillon sur le poulet, c'est que tu as beaucoup plus de cuisses que d'elle. C'est grave, lui. On va bouffer, c'est ça. Non, mais si ça se trouve, c'est bon. Et je suis tombé sur un 1000 pattes, j'étais repu. Ah, quelle horreur. En tout cas, bravo, hein, le site internet, faites de la pub, profitez-en. Ah oui. Eh bien, c'est www.jiminy's.com. Eh bien, voilà, www.jiminy's. C'est marrant d'avoir appelé ça, évidemment, Jiminy's, en hommage au fameux grillon conscience de Pinocchio. C'est bien cela? Exactement. Merci, monsieur Rabastin. C'est vive la société Jiminy's. Les grosses têtes sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 14h, l'heure du crime sur RTL. 118 712, le numéro de référence pour trouver un vétérinaire. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Disney et Pixar présentent... Dory! Ah oui, Dory, la star du monde de Nemo est de retour. Mais pourquoi déjà? Je cherchais quelque chose. Enfin, je crois. Ah, et le film, c'est quoi? Dory! Ah yes, et ça sort... On va pas y passer la journée. Le monde de Dory, c'est un film génial et magique qui sort le 22 juin au cinéma. Alors faut y aller, mais pour aller voir quoi? Le monde de Dory, le 22 juin au cinéma! Avec RTL. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. RTL. L'heure de la bourse, il est 17h36 avec la bourse avec les échos et investir. Sylvie Aubert, bonsoir. Bonsoir Virginie. Alors, la bourse de Paris démarre la semaine sur les chapeaux de roue. Et oui, on en profite. La bourse rebondit de plus de 3,5%. 4343, on n'avait pas vu un tel engouement depuis le 25 août de l'année dernière. Alors, à J-3 avant le fameux référendum au Royaume-Uni, les marchés ont l'espoir que le camp du maintien dans l'Union sera vainqueur. Ils délaissent à nouveau les marchés obligataires pour se reporter sur les compartiments plus risqués, comme les actions. À Londres, le FTSE gagne en ce moment 2,8%. Le DAX de Francfort plus 3,4%. Quant à Wall Street, eh bien, elle vient d'ouvrir dans le vert. Alors que la campagne a repris dimanche à Londres, après le meurtre de la députée Jo Cox favorable au maintien dans l'Europe, plusieurs sondages réalisés outre-Manche vont dans ce sens. Sur le marché des changes, la livre regagne des couleurs. Et du côté du pétrole, eh bien, le baril de Brent se reprend également $50.27. Alors du côté des valeurs, tout le CAC 40 est dans le vert ce soir. Parmi celles qui gagnent plus de 4%, voire presque 5%. On trouve Airbus, BNP Paribas, Capgemini, LVMH, Saint-Gobain, AXA, Peugeot et Technip. Autre vedette aujourd'hui, Ubisoft bondit de 7,8%. Le marché table sur une OPA de la part de Vivendi, qui a annoncé vendredi s'être renforcé au capital du groupe de jeux vidéo, dont il détient déjà plus de 20% des titres. Bonsoir Virginie, on se retrouve demain. Et à demain Sylvie. RTL. Première radio de France. Le grand studio de RTL est donc de retour avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une citation pour monsieur Fabien Léger qui habite Nancy, qui a dit: un optimiste, c'est un homme qui plante deux glands et qui s'achète un hamac. Ah, c'est très mal, beau. Ça. Ouais. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. C'est un vivant. Cette époque-là, non. Ah non, quelqu'un qui est décédé. C'est français. Jules Renard. C'est français, oui. C'est français. Jésus-Christ. Non. Il n'était pas français. Ah non. Garcimore. Garcimore, non. Quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes, je dois vous le dire. Quelqu'un d'un peu paresseux. Non, c'est pas qu'il soit paresseux. C'est non. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il ait dit ça lui-même. C'est quelqu'un qui est mort il y a très longtemps. Bah, non, quelqu'un qui est mort en 1952 à Neuilly. Parce que un grand auteur français. Ce n'est pas un grand auteur français. C'est un homme politique. Alors, il est plus proche de la politique, tout en n'étant pas un homme politique. Il glandait beaucoup. Servan Schreiber. Par qu'est-ce que vous dites ? Il glandait beaucoup. Non, on ne peut pas dire qu'il est beaucoup glandé. Il a été énormément décoré, je dois dire. Décoré. Militaire. Un militaire. Il est maréchal, le maréchal Joffre. Alors, il est maréchal de France. Juin. Et général. Juin. Foch. Foch, Juin, non. Delattre. Est-ce qu'il a une... Massu. Général Delattre. De Tassigny. De Tassigny, bah oui, non mais Delattre. Ah bah, Delattre de Tassigny. Bonne réponse de Stevie et Philippe Gueluc. Ah oui. Eh oui. C'est Jean Delattre de Tassigny, pas général mal. Et maréchal de France, qui avait dit, c'est vrai que c'est pas évident de trouver que ce soit un militaire qui ait prononcé cette phrase, mais c'est bien le général maréchal Delattre de Tassigny qui avait dit: un optimiste, c'est un homme qui plante deux glands et qui s'achète un hamac. Une autre citation pour Arnaud Pirot, qui habite Roya, c'est dans le Puy-de-Dôme, qui a dit: il en est des femmes comme des prêtres appartenant à des religions différentes, elles se haïssent mais se protègent. Ah tiens. Bon, c'est vieux, c'est ancien. Ça. La Rochefoucauld. Ah, c'est très vieux. La Rochefoucauld. C'est un pape qui a dit ça ? C'est du 18e et ce n'est pas un pape. Voyez, j'ai trouvé quelqu'un du 18e. Oui, d'accord. Ça ne suffit pas, Ariel. C'est Voltaire. C'est pas Voltaire. Flaubert. On n'est pas loin. C'est pas Flaubert. Rousseau. C'est pas Rousseau. C'est Diderot. Voltaire. C'est Diderot. Ah, encore une bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors, je vais aller plus loin et plus difficile encore pour monsieur Alain Adam, qui habite Saint-Mexant-sur-Vie. Et là encore, c'est quelqu'un qui n'a jamais été cité aux grosses têtes, qui a dit: mon incorrigible goût pour le cynisme le plus enfantin ne m'a jamais mené plus loin qu'à faire des pieds de nez au cadavre d'un ami mort. Oh là là. Wow. Oh, c'est sympa comme citation. Et Christophe, le général Bijard. Non. Poète surréaliste. Essaye Equinox. Non, vas-y, on sait jamais, tu sais. C'est un militaire aussi ? C'est pas militaire du tout. C'est un homme politique. Un homme politique, non. Il s'est, on va dire, intéressé à la politique. Un peu, mais c'était pas son métier. Il fut poète. Il fut poète, écrivain. Quelle époque ? Écoutez, il s'est suicidé en 1929. Roger Salengro? Non, c'est bien après. Suicidé en 29. Monterland. Salengro, c'est pas bien après. C'est en 36, ça, c'est pas si. Est-ce que c'est un surréaliste? Un surréaliste. Oui, on peut dire dadaïste même. Alors, Cravant, Cravant qui s'est suicidé. Cravant, non. Duchamp. Duchamp, non. Mais c'est vrai qu'il avait rejoint Tristan Tzara et les surréalistes. Bravo, Ariel. Oui. Ah ouais, pas mal. Alors, Tzara, c'est H&M? Il y avait H&M? Non. Tristan Tzara. Oui, il était, c'est celui qui était surréaliste, poète, écrivain, poète et communiste. Dadaïste. Mais oui, je sais qui c'est. Ne fut-il pas pharmacien? Je ne crois pas qu'il fût pharmacien. Il était fils d'un cadre du grand magasin Le Bon Marché. Je vois. Ce n'est pas André Frédéric. Et assez vite, non, c'est pas André Frédéric. C'est le petit Mocquet? Non, et ensuite, il s'est engagé dans l'armée, voyez. Et il est resté sous les drapeaux jusqu'en 1919. En 29, il s'est retiré dans une maison de repos à Châtenay-Malabry, une maison de repos qui s'appelait la Vallée aux Loups. Et voyez. Je vais même vous dire ce qu'il a fait. C'est que pour ne pas salir, il s'est tué, donc, et pour ne pas salir la couverture, il avait mis un plastique. Je vois très bien qui c'est. Ouais, oui. C'est vraiment un suicidé qui prend soin de la femme de ménage. Bernard Buffet. Non, écrivain dadaïste mais français. Mais oui, mais je l'ai sur le bout de la langue. Il s'est suicidé d'une balle tirée en plein cœur. Voilà. Ouais. Et il a même mesuré. Il a publié Le jour se lève, ça vous apprendra. Il a publié Et puis merde. Mais Romain Gary. Non, c'est mais pas non, Romain Gary. Jarry. Non, il a publié Agence générale du suicide. Comment et ça... il a été très ami de Nancy Cunard. Je vois très bien qui c'est. Cunard. Et de Jonathan Porfo. Ouais. Et de Colette Trunksen. Et il a écrit aussi Le suicide doit être une vocation. Oui, il était très porté là-dessus. Il avait le moral. C'était publié chez truc. Oui, je sais aussi. Oh, ça va c'est. Être terrible. Je l'ai sur le bout de la langue d'Ariel. Moi aussi. Baudelaire. Non, pas Baudelaire. Non. Et Louis Malle, d'ailleurs, raconte qu'il s'est référé à lui pour tourner le feu follet. C'est un grand dandy. Mais oui. Louis Malle qui était un ami de Jean-Pierre Coffre. Bien sûr. Oui. Qui a gagné la valise. La valise, bien sûr. 300 euros, je suis content de donner 300 euros à un auditeur. Alain Adam, qui habite Saint-Mexant-sur-Vie, recevra un chèque RTL. Celui qui avait dit « Mon incorrigible goût pour le cynisme le plus enfantin ne m'a jamais mené plus loin qu'à faire des pieds de nez au cadavre d'un ami mort », c'était Jacques Rigaud. Rigaud, je m'en souviens. C'est trop tard, Jacques Rigaud, dans un instant, l'invité mystère. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. J'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine. Si on changeait tout. Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Bon plan, entretien auto. Euro Répar Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques. 59 euros? Oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Business Affaires. EDF Connect Entreprise, portail web de services pour simplifier le quotidien des pros, expliqué par Claire Brémond, chef de produit EDF Entreprise. C'est dans un instant. Business Affaires. L'énergie est notre avenir, économisons-la. MAF Assurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça. Pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits. Miss MAF, vous êtes impayable. C'est la MAF. Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF. RTL. Et maintenant, les grosses têtes mènent l'enquête. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Auriez-vous trouvé, vous, Jacques Rigaud? Non. Peu importe, c'est votre nom à vous maintenant qu'il faut retrouver. Enfin, vous l'avez évidemment, mais mes grosses têtes, elles vont chercher. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur? Oui. Ah, très bien. Oui. Vous avez une belle voix de monsieur. Vous êtes un beau monsieur? De plus en plus beau. C'est vrai. Ah. Est-ce que vous La êtes... bouteille vous va bien? Exactement. Est-ce que vous grisonnez? Oui. Ah, est-ce que vous êtes un père, déjà? Oui. Papa, combien de fois? Trois fois. Est-ce qu'un de vos rejetons est connu? Oui. Votre épouse est connue? En fait, toute la famille est connue, mais pas lui. Personne sait qui c'est. Un de vos enfants écrit, on peut dire. Un de mes enfants écrit, un autre fait des blagounettes sur le net. Est-ce que vous avez regardé le foot hier soir? Oui. Oh là là, encore. Vous êtes un fan de foot? Oui. Non, vous faites des barbecues? Ah, tu veux t'inviter, toi? Tu veux t'inviter, toi? Mais non, mais oui, ça m'arrive. Est-ce que vous êtes plutôt écolo? Je vous vois bien en train de faire un barbecue, je dois dire. J'ai du mal. Vous avez du mal avec l'écologie? Oui. Monsieur, est-ce que vous avez déjà été invité chez Michel Dricker le dimanche? Oui. Vous avez déjà eu un dimanche à vous? Tout un dimanche? Non. Ah. Ah. Donc vous n'êtes pas si important que voilà. Ça, non? Non. Qui sont cons? Je l'ai tapé. Hein. Alors, est-ce que vous êtes genre réseaux sociaux et tout ça? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que dans la rue, on vous reconnaît? Oui. Voici un indice musical. On m'a souvent laissé pour mort. Mais mon cœur cassé par en tort. Les coups au cœur. Ce qui tue pas nous rend plus fort. Tiens, j'avais oublié qu'il ne prononçait pas la négation. Il ne dit pas ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Eh bien, il fait très mal parce que ce qui ne tue pas rend plus fort est une phrase de Nietzsche. Oui. Et il faut la dire correctement. Ah, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, invité mystère? Oui, absolument. Mais je vous donnerai une précision tout à l'heure. Vous avez travaillé avec Nietzsche? Vous avez travaillé avec Hallyday? Vous avez travaillé avec Nietzsche ou avec Johnny Hallyday? Avec Johnny. En tant que compositeur? Non. Parolier. Ah, non, alors vous n'êtes pas. Auteur. Auteur de chansons. Combien de chansons pour Johnny? Une. Celle-là. Ah, c'est bien. Celle-là. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Ah, celle-là. Oui, alors, celle-là. Justement, normalement, il y avait une élision, c'est-à-dire ce qui est une apostrophe. Ah oui, et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Oui, mais enfin, non, il dit en même temps que je veux. Il n'a pas le temps. Je chante comme que je veux. C'est le problème, c'est les prompteurs. C'est que tu ne peux pas mettre tous les mots. J'en ai connu des pères de Nietzsche. Bernard Mabie a identifié notre invité mystère. Voilà, mais bravo, non. Bernard. Et est-ce que vous chantez tout seul? Dans ma salle de bain. D'accord. Ah oui, vous n'êtes pas chanteur vous-même. Vous n'êtes pas chanteur vous-même. Non. Vous êtes que auteur? Oui. Est-ce que vous avez été coach de sport? Ça le fait rire, ça. Fait rire Bernard aussi parce qu'il sait qui est l'invité mystère. Est-ce que vous avez écrit pour beaucoup d'autres artistes? Pour d'autres, oui, à une époque de ma vie. Alors peut-être je peux donner peut-être l'indice qui tue. Michel Bernier vous a identifié avant, d'ailleurs, cette chanson. Hein. Et Stevie aussi, grâce à cette chanson, lui, ouais. Stevie. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Ça vous dit rien, ça, Ariel Dombal, alors? Bizarrement, non. Oh, bizarrement. Oh, tu réponds pas à tout non plus, quand même. Je me tourne vers Bernard Mabie, Michel Bernier et Stevie Boulet. Notre invité mystère, c'est... Guy Carlier, évidemment. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Vous ne savez jamais vraiment combien ça va vous coûter de changer vos plaquettes de frein? Eh bien Marie, si. Ouais, moi je le sais. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Marie est chez Noroto. Et maîtriser son budget, c'est facile avec les forfaits plaquettes Noroto. Trois forfaits tout compris, montage inclus, à partir de seulement 59€. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Nous savons que les cambrioleurs utilisent des brouilleurs et attendent que vous soyez vulnérable pour pénétrer chez vous. Mais avec les alarmes Vérissure, en quelques secondes, nos milliers d'agents réagissent grâce à notre technologie unique d'antibrouillage Vérissure. Avec Vérissure par Securitas Direct, protégez l'essentiel. Pour une installation gratuite avant vos vacances, rendez-vous sur Vérissure.fr. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 m3 grâce à la banquette Modiwork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179€ par mois. Garantie, assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. C'est bientôt la fin des grosses têtes de Laurent Ruquier pour cet après-midi. Auparavant, notez la suite du programme sur RTL. C'est un rendez-vous avec l'info qui vous attend à 18h. Avec RTL Soir, mené par Marc-Olivier Fogiel, qui recevra Patrice Ribeiro, le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier. Et puis, le chanteur Marc Lavoine et la présidente de l'association L'Étoile de Martin, Servane Jourdi, pour parler entre autres d'un cartable connecté qui permet aux enfants hospitalisés de suivre l'école. Guy Carlier était bien notre invité mystère. Et quand vous lui avez demandé s'il aimait le football, et oui, Dieu qu'il aime le foot, il a publié, j'ai ce livre en main. D'ailleurs, je vais l'ajouter dans la valise RTL, le livre de Guy Carlier, qui s'intitule « Qui veut tuer Mathieu Valbuena ?» C'est publié au Cherche Midi. C'est un prétexte, hein. Mathieu Valbuena a parlé football, du football de son enfance, du football d'aujourd'hui, ceux qui parfois ont trahi d'ailleurs le football de son enfance, l'évolution du foot, mais évidemment à travers le parcours de Mathieu Valbuena, qui était un footballeur rejeté par ses clubs au départ, jusqu'à ce qu'il devienne une vedette de l'équipe de France et qu'ils connaissent évidemment la mésaventure qu'aujourd'hui tout le monde est évidemment en tête. Lui. Ben oui, la fameuse sextape qui en fait a finalement interdit à et Mathieu Valbuena et Karim Benzema d'être en équipe de France aujourd'hui. Ah. Sauf que depuis qu'on s'est vu, puisque j'ai eu la chance de vous recevoir dans On n'est pas couché pour ce livre, Guy Carlier, au fond, on s'aperçoit que Mathieu Valbuena, on est bien content qu'il soit pas en équipe de France, parce que grâce à ça, on découvre évidemment Dimitri Payet, c'est vrai. Ça, quand vous l'avez écrit, vous pouviez pas savoir ça. Non, et en fait, le livre s'appelle « Qui veut tuer Mathieu Valbuena ?» et on s'aperçoit que c'est le seul, c'est un peu comme un cluedo, j'imagine que ça peut être les supporters, les dirigeants, etc. Et on s'aperçoit, au bout du compte, c'est Dimitri m'a tué ER, quoi, parce que il a remplacé Mathieu Valbuena qui n'a pas été sélectionné pour des raisons objectives, puisqu'il a fait une mauvaise saison, il était blessé, etc. Mais il flambe, il devient l'idole de l'équipe de France, et donc ça signifie la petite mort internationale de Mathieu Valbuena. Aujourd'hui, on peut dire que Dimitri Payet a tué Mathieu Valbuena. Absolument. Ça n'est pas dans le livre, mais c'est un commentaire qu'on peut faire maintenant. De toute façon, tous ceux qui aiment le football vont être passionnés par ce bouquin, parce que ça raconte pas seulement le football, ça ne raconte pas le football uniquement professionnel, mais aussi le football amateur, les enfants avec leurs parents le dimanche, la maman qui lave parfois les maillots, pardon pour cette image un peu sexiste, mais c'est vrai, mais c'est lien, vous qui l'utilisez. Oui, je dis que le foot crée un lien entre les pères et les fils qui échappe totalement aux mamans qui se contentent d'aller inscrire le gamin à la mairie et puis d'aller chez le toubib pour le certificat médical. Et après, ça devient une connivence entre les pères et les fils et une histoire très belle qui reste toujours, et c'est ce qui fait le lien du foot et le attachement à l'enfance. Si on n'aime pas le foot, on peut aussi être intéressé par ce livre, parce qu'on y retrouve évidemment le style de Guy Carlier, mais il vaut mieux aimer le foot oui. Tout de même. Hein, je veux juste, parce que Ariel a l'air un peu perdu, donc le foot, Ariel, c'est ce jeu qui se joue à deux fois. 11 joueurs et dont on parle beaucoup à la télévision pour le moment. T'as pas regardé hier soir ? Eh bien non, mais je sais que la France entière était émue, non. Et je, enfin, oh bah je... oui, on a... Oh bah oui. Moins on marque, mieux on joue. C'est formidable. Alors justement, Guy Carlier, vous avez regardé, vous, votre commentaire sur oui, le match d'hier. Oui, j'ai regardé. Bah écoutez, Bernard a tout résumé, parce qu'en fait, bizarrement, leur première mi-temps est probablement la meilleure depuis le début du tournoi. Surtout grâce à Pogba, il faut dire. Surtout grâce à Pogba. Et on a des inquiétudes, mais on sait bien que dans un tournoi, il y a une montée en puissance, que ce n'est pas les équipes qui sont fortes au début qui arriveront à la fin. Mais bon, l'Espagne a fait forte impression. Et pourquoi vous riez, Bernard Mabille? Non, c'est moi hier, j'ai regardé le match, j'ai ouvert mon frigo, j'avais un flambi et 11 petits Suisses, alors. On y était. Quel est le meilleur joueur du match, Guy Carlier ? Côté français, bizarrement, Cabaye. Très bien, oui. Un peu, Jeanne Cabaye. Je note Cabaye. Bah oui, note Cabaye. Sissoko. Sissoko. Voilà, c'est-à-dire les remplaçants. Je pense que Matuidi a perdu sa place hier. Ouais, c'est très étonnant. Bon, parce mais que les gars, on va peut-être vous laisser, mais on va y aller. Hein. Et Pogba. Pogba a fait une bonne première mi-temps. Mais c'est vrai que Sissoko et Cabaye, qui étaient un peu les mal-aimés, mais on disait c'est des joueurs de devoir, d'abnégation, c'est bien dans l'esprit des champs, ils sont moins brillants que les autres, etc., ont fait une très très bonne rentrée. Puis c'est c'est bien pour le groupe, ça les fait vivre. Alors, expliquez-moi deux choses, Guy Carlier. Oui. Pourquoi la pelouse était encore, une fois de plus, en si mauvais état? On a vu des joueurs glisser tout au long du match, tout le temps. Et pourquoi les maillots des Suisses étaient-ils aussi facilement déchirables? Alors là, les pelouses françaises, c'est une honte, à part, je crois, le Parc des Princes et puis Lyon. Les autres sont dans un état déplorable. À Marseille, ils avaient fait un concert d'ACDC 15 jours avant, tu vois. On a le droit, quand même. Oui, mais... Et la ligne, oui, là... ils ont peint la pelouse dans l'après-midi pour lui donner une couleur verte. Non, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Avec toute la flotte qui tombe. Ils ont, ouais, ouais, ils ont. Non, parce qu'il c'était que des buts, des trucs marrons, vous voyez. Et ce qui était, ce qui est très étonnant, c'est que ils ont dit oui, mais elle était gorgée d'eau et tout. Mais Lille, c'est un stade tout neuf avec un toit en cas de pluie. Ils avaient tous des chaussures vertes à la fin, comme ça n'avait pas encore séché. Et en tout cas, les maillots, l'équipementier suisse, dont Puma, Puma. Voilà, bon, bah, ça y est, vous l'avez balancé, donc a dû passer une soirée terrible, quoi. Enfin, j'imagine que le, ah bah ça, les petits chinois qui fabriquent les maillots, je pense. Il faudrait prendre les lôtres qui font les montres, parce que les lôtres, Autant les fautes de main sur le maillot, le mec qui tient l'autre par le maillot, ça se voit mieux si le maillot se déchire. Mais le ballon aussi était en mauvais état, puisqu'à un moment, ils ont crevé le ballon. C'était l'enfer, quoi. En fait, la pelouse était merdique, les maillots, le ballon, voilà. C'était et Martine Aubry. Alors. Elle était là? Ah, bah, elle était là, c'était à Lille, oui, évidemment. Non, mais je l'ai pas vu. Ah, on revient à vous, Guy Carlier, tout de même. Quittons un peu votre livre Qui veut tuer Mathieu Valbuena au Cherche Midi pour revenir sur votre parcours en tant que parolier. On a entendu effectivement la chanson de Mélodie. Ça, c'est votre plus gros succès, hein, il faut dire. Oui, c'était le premier. Ça a mieux marché que Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Même s'il oui, ne dit c'est pas... c'est une chanson d'album. Donc de Johnny. C'est à partir du moment où c'est une chanson... Mais l'album a bien marché, oui. Et vous avez écrit pour qui d'autre? Demis Roussos. C'est pas vrai. Ouais, j'ai fait un album pour Demis Roussos. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils avaient décidé d'adapter l'Adagio d'Albinoni. Donc, sous le titre Adagio, il y a écrit Albinoni Carlier. Tu vois, bah oui. Et mais alors ça, je vous commande, si vous le retrouvez, c'est terrible, quoi. Il y a une intro à l'harmonica un peu bluesy sur l'Adagio d'Albinoni, et puis une rythmique techno. Mais est-ce que ce n'est pas son dernier album, celui non, qu'il a c'est tué pas le, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui l'a tué. Non. Pour y écrire pour Christophe Willem. Oui. Il retient pas les paroles, mais il peut quand même les chanter et les enregistrer. Mais Johnny, j'étais déjà dans une autre vie. J'étais dans une vie de chroniqueur, etc. Quand j'ai eu la possibilité d'écrire, c'est pas si vieux. Ça, d'auteur de best-seller désormais, car tous les livres de Guy Carlier se vendent comme des petits pains. Offrez à votre famille, à ceux qui aiment le foot. Qui veut tuer Mathieu Valbuena? C'est au Cherche Midi. Merci d'être passé aux grosses têtes. Merci Guy. À vous. RTL, première radio de France. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, la menace de la préfecture de police de Paris qui pourrait interdire la manifestation contre la loi travail de jeudi. Pour éviter les débordements, la préfecture souhaite un rassemblement statique. Les syndicats, eux, maintiennent leur demande de défiler entre Bastille et Nation. Hors de question donc pour la préfecture et pour Bernard Cazeneuve qui a écrit à Philippe Martinez pour lui expliquer qu'une manifestation itinérante n'était pas envisageable. Alors dans RTL Soir, on va vous expliquer ce bras de fer. Et à 18h20, au milieu des tensions, les policiers, le secrétaire général du syndicat de police Synergie, Patrice Ribeiro, notre invité. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal. Le pass Navigo à tarif unique, une mesure qui pourrait coûter cher aux usagers. La région menace d'augmenter le prix de 10 à 15 euros par mois. Elle a noyé son bébé en l'abandonnant sur une plage à marée montante. Fabienne Cabou est jugée à Saint-Omer, une femme troublée et troublante. À suivre également, avorter les jours fériés pour éviter un arrêt de travail, suggestion des gynécologues qui fait bondir les patientes. L'épreuve de maths du bac S plus ou moins ratée, il y a eu une erreur dans un énoncé, un plus au lieu d'un moins. Et puis Dimitri Payet, superstar mais super calme avant les huitièmes de finale, vous allez l'entendre. La Bourse de Paris, elle termine en hausse de 3,5% à 4340 points. Les courses à Vichy. Il fallait jouer le 7, le 18, le 4, le 8 et le 2. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, la populiste Virginia Raggi, maire de Rome. Mais son mouvement 5 étoiles, c'est quoi exactement? Puis direction les coulisses de l'actualité. La musique plus forte que la guerre. On vous emmène ce soir en coulisses d'un concert exceptionnel à la frontière libano-syrienne, organisé donc pour la fête de la musique en présence de Jack Lang. 18h30, Alain Duhamel. Ce soir, le royaume des unis. 18h35, un cartable connecté pour permettre aux enfants hospitalisés de suivre l'école. Un formidable projet initié par Marc Lavoine. Alors que ses premiers cartables munis de tablettes et de caméras sont testés, le chanteur et Servane Jourdi, présidente de l'Étoile de Martin, viennent nous les présenter. 18h50, Laurent Gérard, après 19h. On refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. L'été, c'est demain. La grisaille et la pluie, c'est tout de suite. C'est encore très automnal ce soir et même toute la journée. On a eu pas mal de pluie sur la moitié nord, des pluies qui sont encore soutenu ce soir dans le nord et le nord-est. Ces pluies vont faiblir dans la nuit, mais demain, ce sera encore très gris sur une bonne moitié nord, avec encore quelques pluies, mais faibles et localisées près des frontières du nord et près des côtes de la Manche. Dans le sud, pas mal de nuages demain matin. Et puis le soleil s'imposera dans l'après-midi, avec en plus des températures en hausse. On attend demain après-midi jusqu'à 31 degrés à Nîmes, 30 à Marseille et Bordeaux, 27 à Limoges, 22 à Paris et 19 à Cherbourg. Merci beaucoup Patricia Charbonnier. Enfin, merci. Façon de parler, n'est-ce pas Isabelle? Oui, nous venons de vivre le printemps le plus pluvieux depuis un siècle. Demain, l'été commencera aussi sous la pluie. Ça fait des mois qu'on a des températures d'automne et une lumière d'hiver. Bref, il n'y a plus de saison à Tours comme ailleurs. Question point vert. Thomas prend un verre avec un copain, un parasol les protège de la pluie fine et l'étudiant de 23 ans est habillé chaudement. Je porte un magnifique bonnet blanc, une superbe veste noire avec un très joli col rembourré en laine. C'est un temps idéal pour réviser. Bah pour le coup, c'est vrai que ça me donne pas trop envie de sortir. Ça fera peut-être plus prendre conscience aux gens des dangers du réchauffement climatique aussi, ouais, pour le coup. Juste à côté, la terrasse du café, le temps des rois est presque vide aussi. Du jamais vu en cette période et s'inquiète un peu Marco, le directeur. La terrasse, ça représente quand même 80% de notre chiffre d'affaires. Faut pas que ça dure, non. Vraiment. Au restaurant La Manufacture, Guillaume fait aussi les comptes. Hier dimanche où il fait beau, on va faire 150 couverts et aujourd'hui où il pleut, on va faire 40 couverts. Difficile de croiser des touristes souriants. Michel, une Australienne, fait figure d'exception. On regarde quand même la météo régulièrement. Hein. Et on s'organise en fonction ? Exactement. On vous sent pas trop déprimé ? Non, pas du tout. Il y a quand même un petit verre de vin blanc qui nous attend, ce genre de choses, donc ça va. Au programme aujourd'hui, visite de cave, la promenade en bord de Loire est reportée à mercredi. RTL Soir. La CGT sera-t-elle en marche jeudi à Paris? Désormais, le bras de fer entre le gouvernement se focalise sur le droit à défiler. Malgré les violences qui ont émaillé la manifestation de mardi dernier, malgré les vitres brisées de l'hôpital Necker, les syndicats veulent manifester entre Bastille et Nation. Le ministre de l'Intérieur est intervenu en personne. Il demande à Philippe Martinez de privilégier un rassemblement statique. Défiler est inenvisageable, dit Bernard Cazeneuve. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Peine perdue, hein, la manif pourrait finalement être interdite. Bah oui, la préfecture de police de Paris vient d'affirmer il y a quelques minutes qu'elle interdira une manifestation s'il n'y a pas d'accord de l'intersyndicale sur un rassemblement statique. Alors les syndicats doivent faire part très rapidement de la réponse qu'ils apportent au ministère de l'Intérieur et à la préfecture, mais sans grande surprise, la tonalité générale, c'est qu'ils souhaitent le maintien d'une manifestation classique en faisant valoir leur droit à manifester justement, qu'ils nous proposent un parcours alternatif, nous dit un des syndicats organisés.